J'ai senti un truc, je me suis demandé ce que c'était. Je viens de vivre un truc absolument dingue. Oyez, tas de bâtards! Je vais chier sur la moquette. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Flaubert. Adrien Méniel. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui, bonjour! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Floodcast, le 14e épisode, un épisode un petit peu particulier. Alors je préviens avant de commencer, Adrien Méniel n'est point présent, il est toujours en vacances. N'hésitez pas à garder. Salaud! Oui, n'hésitez pas à garder vos messages pour vous, puisque moi je me fais chier à faire une émission, donc à entendre. Oui, mais Adrien, il se repose, laissez-le se reposer pour qu'il revienne chargé à bloc. Qu'à cela ne tienne, un épisode un peu particulier, puisque je suis avec une grande partie de l'équipe des comédiens du film. La plus intéressante, en tout oui, cas. En voilà. Tout cas, celle qui, oui, celle qui mérite, en vrai, ni plus ni moins, de la grande classe d'ailleurs. Voilà. Nous sommes avec Caroline Anglade. Eh bien le bonjour, bien le bonsoir. Oui. Caroline, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Oh, non mais en quelques adjectifs succincts, en nom commun même. Et en 300 mots. Non mais écoutez, je m'appelle Caroline Anglade, je suis comédienne, je vais actuellement sur mes 19 ans. Et, ouais. Non, j'ai déjà une belle carrière, mes 19 ans. Quelques films comme ça, trois films dans lequel tu es, je ne me cite pas debout. Star Wars et Drive. Oui, tout le monde debout. Allez, Just a Gigolo, parce que c'est récent. Et, et le prochain? Et le prochain, ce sera Divorce Club. Très bien. Et voilà. On a pu te voir au théâtre aussi. Également. Voilà, tu fais aussi. Surtout dans les pièces de Laurent Baffy. Entre autres. Entre autres. Hein, entre autres. Que... Nous sommes également avec Jérôme Niel. Oh oui. Bonjour. Bonjour. Jérôme Niel, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh bien, je suis comédien, exactement comme Caroline. Anglade, voilà, qui est comédienne. Et j'ai commencé à officier sur Internet et... petit à petit, bon an mal an, je m'immisce dans certains films au cinéma ou sur Netflix, actuellement dans La Grande Classe par exemple. Tout à fait. Faudra qu'on pense à le citer, le film qu'on, je pense, on citera jamais. Et d'ailleurs, j'en profite aussi parce que j'ai un public qui est très au fait de comment marche le monde capitaliste. Ce n'est pas une émission sponsorisée parce que les gens peuvent penser qu'on est payé grassement par Netflix alors qu'on aurait peut-être pu demander et être payé. On est des débiles, on l'a pas fait. On le fait gratos, il n'y a aucun problème. Mais non, c'est pas une émission sponsorisée, c'est juste ça vous est plaisir, enfin moi ça me faisait, parce qu'Adrien n'est pas là, ça me faisait plaisir de faire cette émission, où nous sommes également avec Nicolas Bernot. Salut. Nicolas Bernuche, Nicolas Berniche, Nicolas, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas? Eh ben pareil, je suis acteur, équilibriste, jongleur de portes, j'en sais rien, non mais, ouais voilà, je suis acteur et j'officie, j'adore ce mot, il a dit j'officie sur internet. Employé. Je sévis sur la webosphère, voilà, depuis quelques années. Et je m'immisce également dans des projets un petit peu plus longs. Bien sûr. Voilà, je fais un copier-coller de ce que vient de dire Jérôme. T'as pas utilisé Bon an mal an, qui était... C'est vrai, pas Bon an mal an, aussi. Grosso merdo. voilà. Et puis bah, je suis actuellement dans la grande classe, quoi. Dans la grande classe, voilà. Sur Netflix, bien sûr. Et qui n'est pas un sponsor, hein, puisque non. Notre sponsor, c'est de l'eau purifiée au charbon. C'est ça, parce qu'en fait, il y a une bouteille. Ma meuf a acheté du charbon pour purifier mon eau, et donc du coup, on dirait qu'il y a une énorme merde dans un jar d'eau, alors que pas du tout. Magnifiquement cylindrique. Tout à fait, ce qui n'est pas sans rappeler la merde. Voilà. Tout exact. Nous sommes également avec. La bonne transition. Merci, merci à tous. En parlant de merde. En parlant de merde, Ludovic. Ludo est également sur ce plateau. Ludovic, peux-tu te présenter pour les gens? Alors, nous sommes avec Ludovic. Bonsoir à tous. Alors, j'officie bon an mal an et je m'immisce dans Nicolas Bernot. Voilà, je suis comédien et réalisateur et j'officie pour le coup pas mal sur les internets. Soyez. Et je suis également dans La Grande Classe, disponible sur Netflix, Floodcast, pas du tout sponsorisé. voilà. Bah, les amis, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, on va le dire aux gens, ce serait mieux de regarder La Grande Classe avant d'écouter ce podcast. Ça nous évitera de nous faire chier de dire ah ouais mais ça c'est un... Attention, spoil et tout, parce que c'est facilement spoilable quand même comme film. C'est vrai. Oui, dire, oui, il y a de nombreux twists à la manière de Shyamalan. Ouais. Et donc du coup je me dis bon, si vous l'avez vraiment pas regardé, c'est toujours mieux d'aller jeter un œil. Ça dure 1h20. Oui. C'est extrêmement rapide. C'est... Et Kevin Spacey a été entièrement remplacé numériquement. Oui. Hein, dans le film. Ouais, ouais, donc, oui. Ça, aucune crainte là-dessus en tout cas. On l'a échappé belle pour la promo. donc voilà, n'hésitez pas à le mater. Donc La Grande Classe. Alors déjà, déjà, qui veut me le résumer? J'ai envie de dire que la première phrase vient de Ludovic. Ah yes. Alors, c'est quoi la première phrase qu'on sort à chaque fois? Deux amis d'enfance. Oui. J'ai Nicolas. Oh God. Apprennent par hasard qu'ils n'ont pas été invités à une fête d'anciens élèves 20 ans après dans leur ancien collège. Exactement. Jérôme. Et étant d'anciens souffre-douleurs, ils vont du coup aller à cette soirée dans l'idée de... Ah God, de se venger. Voilà. Oh, phrase très courte, mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Voilà. Exactement. Donc c'est un film qui parle... c'est un film qui parle des rapports qu'on peut avoir au collège et comment on évolue vis-à-vis de ça. Donc évidemment, alors ça c'est un thème que les gens adorent, les auditeurs de Floodcast adorent sur les années collège. Donc j'ai envie de commencer avec un truc extrêmement cliché, mais en même temps, j'ai regardé vos interviews, c'est quand même régulièrement cliché, donc je me sens pas mal vis-à-vis de ça. Par rapport à vos personnages de chacun, déjà on va peut-être faire un petit tour là-dessus. Est-ce que ces personnages vous ressemblent déjà? C'est la première chose, parce que chaque personnage représente un peu un archétype de gens qu'on pouvait croiser au collège. Et j'ai envie de commencer avec Caroline. Oh À la bonne heure. Non, à la bonne heure. Caroline nous proposera une onomatopée différente à chaque fois que j'en interpellerai. Non, alors je pense pas qu'on se ressemble. Mais c'est pour ça d'autant plus que j'étais heureuse de... Je crois pas, hein, ils vont tous me dire, tu récoltes, oui, peut-être parce que voilà, c'est pas le perso le plus sympathique, on peut dire. C'est pas, voilà, ouais. Elle est assez antipathique et la petite peste. Et donc c'est pour ça que ça m'a fait plaisir d'ailleurs de l'interpréter, parce que de pouvoir aller dans ce côté-là, c'est toujours plus jouissif que de jouer la petite gentille que j'ai trop souvent jouée d'ailleurs. et voilà, après, petite, j'ai quand même eu des petits moments de pestouille. Ah, c'est-à-dire? Bah, notamment en primaire, je crois que j'étais un peu plus pestouille, quoi. J'ai poignardé une meuf. Ah, je suis pestouille là. je me sens pestouille. C'est pas ça, des doigts de la mort. Mais j'étais plus pestouille, quoi. T'étais loin du micro aussi à l'époque. J'ai toujours été trop loin du micro. Non, enfin bon, voilà. Mais au collège, t'as changé. Et après, tu changes, bah, parce que déjà, tu te prends des claques et tout. Voilà, c'est au collège, tu changes un peu. Mais ouais, la primaire, elle a été un peu un peu compliquée. C'est intéressant. Tu le comprends? Ah si, non, tu plaisantes. On est là pour parler de nos vies, Caroline. Et après, effectivement, j'ai rencontré des gens et je me suis fait un peu tacler aussi, donc du coup je me suis calmée. Bah, les années collège, c'est un peu le concept, c'est collège, de te faire défoncer. Exactement. Les personnages qui se font défoncer dans le film, c'est les vôtres, Ludovic et Jérôme. Est-ce que vous ressembliez, alors, parce qu'on vous voit bébé, enfin ado dans le film, mais par rapport à ce que vous ressembliez aux personnages de la grande classe, à savoir un peu se faire défoncer en vrai? Moi, pas tant en fait, comme on s'est déjà posé la question avec Ludo, on était assez normaux, vraiment... Ouais, vraiment, j'étais assez moyen finalement dans ma personnalité. Comme, genre invisible? Pas invisible, mais voilà, 11 sur 20, quoi, comme sur comme mes notes, quoi. C'est-à-dire, bon, bah voilà, il est là, on va faire avec, quoi. Mais genre, je faisais pas de vagues. Mais après, c'est après au lycée que j'ai commencé, moi, c'est un peu plus tard au lycée que j'ai commencé à faire des blagues. Tu faisais même pas des blagues au collège? Au collège, non, je riais avec les gens. D'accord. Mais j'étais pas encore assez développé humoristiquement parlant ou psychologiquement parlant. J'étais comme ça, je fais bon, il y a quoi à la cantoche, il y a de la maillot. Bon, bah, vas-y, uniquement de la maillot. Uniquement de la maillot. Ah ouais, c'est très mauvaise cantine. Pourquoi pas tremper une frite dedans, parce que oui, voilà. simple humain avec très peu de personnalité, mais après ça a décollé en même temps que les boutons d'ailleurs au lycée. Ça va avec, hein, parfois. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi j'ai eu les boutons tôt, c'est pour ça. Et toi, Ludo? Pareil que Jérôme, je pense que j'étais durant ma scolarité dans juste milieu. Mm-hmm. Mais c'est le cas de plein de gens en fait. C'est-à-dire qu'on parle toujours gens qui se font tabasser ou des gens qui tabassent, mais en fait la plupart des gens sont dans le juste milieu. Il y en a qui regardent. Ouais. Bon partie public. C'est les gens qui regardent. C'est ça. Voilà. Moi je faisais partie des gens qui regardent et j'étais. Non, je pense que j'étais assez discret, mais il m'arrivait parfois de foutre un petit peu la pagaille. De foutre un petit peu la pagaille. Oui, merci Jérôme Miel. Je t'en prie. Mais en fait, je pense que j'étais parfois un peu sur le fil. C'est-à-dire que je pouvais foutre la pagaille, mais pas assez pour me faire coller. Oui, tu testes en fait. Tu étais un testeur, on va dire. Testeur de pagaille. Qu'est-ce que t'appelles foutre la pagaille? Raconte-nous. Non, mais c'est. Tu pissais sur l'éponge. Non, mais j'avais des anecdotes. Mais putain, j'avais raconté en interview, mais. Non, mais c'est. Je sais même plus. Attends, c'était à l'interview que j'ai raconté. Peut-être. Non, c'était trop. Raconte-la nous. Où j'ai dû revenir. Putain, excuse-moi, je fais n'importe quoi avec le micro. Ah bah voilà, on peut le bouger. Je me souviens d'une anecdote, et je crois que je l'avais raconté en interview, où tu sais, j'avais merdé. C'était la fin des cours. Mm-hmm. Genre, par la fin, j'entends vraiment mois de juin. Ok. Et je sais plus pourquoi, tu sais, à la fin, c'était au collège, à la fin, on a fini le programme, donc on regarde des films et tout. Ouais, on mange du docteur, c'est ça. Pepper. On joue à docteur. Non, on joue à docteur Maboul. On joue à docteur Maboul et on mange du savane. Ouais, voilà, c'est ça. Je connais. On faisait des bacs. Ouais. Et du coup, il y a une prof qui passe dans le couloir et je sais pas pourquoi. Je sais plus si j'étais sur la table. J'ai, ou... j'ai très peur. J'ai très peur. Je vais pas mentir, mais c'était il y a longtemps, mais j'en avais raconté, mais il me semble que j'avais raconté. Et je monte sur la table où je sais plus et je fais une blague genre ouais viens on fait l'amour un truc comme ça. Ah oui. Bah, ouais. Attendez, mais attendez. Que ça, non, parce que dit comme ça, voilà. Ouais. Mais c'était une blague et je savais que je pouvais me permettre avec cette prof. D'accord. C'est-à-dire vous avez une relation. Elle a rigolé. Elle okay, a ouais, une ouais. relation. On faisait l'amour entre les cours. Non, mais je lui ai dit genre ah, vas-y on fait l'amour. J'ai pas dû dire on baise, tu vois. Oui oui, t'es encore. J'ai dit on fait l'amour, genre j'étais fou. Et elle rigole. Et elle passe dans le couloir, elle rigole. Donc, je fais ah putain, je suis trop bon. Sauf que là on est fin juin, donc après c'est les vacances. Et là vers le 10 juillet, un truc comme ça, je suis en vacances. Et ma mère reçoit un coup de fil de la prof principale en disant Ludovic a merdé et tout. Et j'ai dû retourner. Au collège pour m'excuser au milieu juillet. J'avais pas envie de faire l'amour. Ça ressort 20 jours après. Tout d'un coup. Ouais, bah je me suis dit que c'était passé, tu vois. Je me suis dit, bah attends, j'ai merdé. Mais enfin, non, sur le moment, je me suis pas dit que j'avais merdé. J'ai dit, putain, je suis drôle. Mais c'est ça, tu dis, c'est génial ce que je viens de faire. Je suis hilarant. Mais j'ai dû retourner m'excuser en mode. Elle a dû me dire, mais vous avez expliqué pourquoi vous avez dit ça à la prof et tout. Alors que vous l'avez pas fait. Elle n'avait pas baisé depuis 69. Voilà. Faut pas sur ça, le ça, fil. Pour revenir sur le fil. Oui, parce que tu es sur le fil. On est sur un fil bien dépassé de mon côté. Non, parce que je savais que je pouvais me permettre. Oui, c'est ça. Tu vois. Je me suis dit, bon, elle va pas mal le prendre. Bon, elle a mal pris. Finalement, non. Donc voilà, pour ma scolarité, bien résumé. Et alors, toi, Nico. Mais la vocation est née. Elle est très, très drôle. Et toi, Nico, parce que toi, dans le film, tu joues vraiment. Alors après, j'ai envie de dire, il y a une petite couleur qui se dégage quand on regarde, mais au premier abord, t'es une grosse merde. Dans le film. Ouais, voilà, en tout cas de ce que j'ai eu l'air d'être et ouais, de faire, oui, ça. Clairement. Et alors, est-ce que toi, t'étais dans cette team-là ou plutôt l'inverse? Parce que t'étais déjà venu dans un podcast parler un petit peu de ça. C'est vrai, j'étais un peu tout à la fois, moi. Ouais, c'est-à-dire que. Je suis passé par toutes les émotions. Je me battais beaucoup, mais parce que j'avais des potes plus petits que moi qui disaient Nico, il va te défoncer. On envoie Nico. Ouais, c'était Barracuda. Genre, par exemple, en primaire, je me battais tous les jours jusqu'au dernier jour de l'école primaire, je me suis battu. Et après on vous a dit, mais Nicolas, c'est pas du tout dans l'emploi du temps. Bah oui, c'est ça. Voilà. Mais il était de toutes les bagarres. Toutes les bagarres parce qu'en fait, il y avait juste un autre gars qui était un peu plus costaud que la moyenne. Et moi, j'étais souvent dans les plus grands à l'époque. Et puis après, il y a eu la guerre, la malnutrition. Mais, et en gros, je me battais vraiment tous les jours parce que les potes s'embrouillaient avec des gars. Ils disaient que c'était moi qui allais défoncer. Donc, c'était pas ma guerre, quoi. C'était pas ma guerre. Ouais, c'est ça. Et après, j'étais plutôt populaire grâce à ça et au sport aussi, parce qu'on jouait beaucoup au basket, etc. Et puis quand je suis arrivé en 6e, là, ça a été le début de la fin un petit peu, parce que je commençais à découvrir un peu l'amour pour les filles. Et j'étais très genre poème, etc., machin, donc... les filles se foutaient de ma gueule, clairement. Bien sûr, bah évidemment. Et après, il s'est passé un truc que je souhaite vraiment à personne, c'est que une nana, d'ailleurs, j'ai eu de la rancœur contre elle encore très longtemps. Elle a fait croire. Il est en train de se mordre l'intérieur de la joue. Hein, ouais. Là, on en parle. C'est un mouchoir d'ailleurs, ça saigne énormément. elle a fait croire quand j'étais en 3e, elle a fait croire que je l'avais frappée. Et du jour au lendemain, tous mes potes, des gars que je connaissais depuis la primaire. M'ont tourné le dos et me mettaient des coups de pression dans le couloir en mode avec une fille c'est facile, etc. Je disais, mais je n'ai absolument pas touché cette personne. Aïe. Par contre, j'ai eu d'autres amis qui, eux, se sont révélés, en fait, m'ont dit, mais nous, on te croit, etc. Donc c'était très bizarre. Oui, t'as eu un événement. Ouais, très bizarre. Désert de nana, les potes qui te tournent le dos, une rumeur sur toi. Sinon, j'étais. Et puis plutôt, 2 ans de prison. deux ans de tôle. Pas sympa, la nana. Nana, si tu veux. Et mauvais souvenir. J'ai eu des phases un petit peu. J'ai eu des phases un petit peu de connard. Un mec, ça c'était cool les réseaux sociaux pour ça parce que j'ai pu m'excuser auprès de lui. Au moins 10 ou 15 ans plus tard. Un gars qui t'avait foutu la pression. Un gars à qui j'avais mis la misère, mais vraiment longtemps, comme dans les films américains, tu vois. C'est ou dans la grande classe, disponible sur Netflix. Le mec s'appelait Jean-Christophe Coin. Ok, enfin, comme un coin déjà. Moi j'aurais dit ça personnellement déjà à l'époque. Je fais, hé, dis donc, t'es un coin ou quoi? Je me serais permis. Et du coup, à chaque fois qu'il passait, on faisait le canard, etc. Machin. Oui. Et c'était horrible, quoi. C'était des coups de pression. Excellent. Nul. Et attends, et du pour coup. Ça, les réseaux, c'est pas mal. Et un jour, t'es allé. Et un jour, je sais plus comment, je crois que c'est un pote de collège, justement, qui essayait de retrouver sur Facebook les gens avec qui on avait été au collège. Donc vraiment comme dans le film. Ouais, c'est ça. Et on se rappelle de ce nom-là, et je vois Jean-Christophe Coin. Et je vois sa tête, et en fait, de revoir son regard, ça m'a rappelé... envie de l'insulter. Ouais. De revoir son regard, ça m'a rappelé à quel point j'avais été une merde avec lui, qu'il avait dû passer un sale moment, et je lui avais envoyé un message. Ouais. Je lui dis, ouais, salut, je sais pas si tu te rappelles de moi. Il me fait, oui, très bien. Je fais, merde. Ah, c'est trop et bien. Là, je lui dis, voilà, t'as le droit de m'envoyer chier, je comprends très bien, mais au collège, j'étais horrible avec toi, je te mettais à la misère pour rien et tout. Il me dit, ouais, c'est vrai que je t'en ai voulu longtemps, mais maintenant ça va, et merci de l'avoir fait et tout. Quoi. Ah ouais. Putain, c'est dingue. Donc, tu l'as dû l'apaiser. Parce que je me suis toujours demandé, moi, si, tu sais, ceux qui martyrisaient les autres, au collège, t'es quand même assez jeune, est-ce que, tu vois, tu t'en souviens? Ouais. 15 ah ouais. ans après, 20 ans après, quand, tu dis, peut-être tu dis toi, putain, tu mais en fait, ouais. Ah oui, ouais. Tu sais, parce que t'es vraiment quand même très jeune et je me suis toujours posé la question, mais toi, tu t'en souvenais très bien, quoi. Ouais, je m'en souvenais parce que je me souvenais de son regard de tristesse, en fait, quand ouais, je faisais ouais, ça. C'est terrible. Mais après, le paradoxe, c'est que quand je sortais du collège ou du lycée, je me faisais emmerder, mais tout le temps. Si on était une bande de potes, etc., qu'on se baladait sur les champs, à une époque où c'était un peu plus chaud que maintenant, ils fonçaient sur moi. J'avais la tête qui ne leur revenait pas et ils avaient envie de me taper, moi. D'accord. Et pas mes potes. Donc voilà. Faut dire que la croix gammée sur le front, ça aidait pas. Mais... ce que j'allais dire, c'est peut-être le détail où t'as merdé. C'est peut-être c'est le ça, voilà. C'est erreur d'été, quoi. Tu vois, il y avait tatou 13, j'ai pris le tatou, j'ai pas regardé. Et parce que c'était costaud aussi à l'époque, non? Ouais. Bah, j'ai l'impression que parfois, quand c'est on est costaud, un peu, ouais, penses, ouais. On cherche la merde aux costauds généralement. Moi, j'ai plein de potes costauds. Et t'as peur des costauds aussi. Enfin, moi, j'étais dans la team des mecs qui se faisaient martyriser. À partir du moment où il y avait un gars costaud, j'avais peur de lui. Ouais. J'avais peur qu'il me défonce. Il y en a qui veulent se faire le costaud, c'est ça que tu veux dire. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. C'est pas toujours ceux en fait qu'on attaque le moins. Et puis après, il y avait un truc dans le regard. On voyait clairement que j'avais peur. Et c'est mon père qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu verras, ça s'arrêtera quand t'auras 17-18 ans, quand tu commenceras à prendre confiance en toi. Ça va s'arrêter. Et en fait, il a eu raison. C'est quand la vibe a changé, quoi. Ça s'est vraiment arrêté parce que dans le regard, j'étais plus apaisé. Plus ouais, voilà. Quand tu c'est pourras tous les tuer, tu verras. Ouais. Quand tu auras le permis pour ce flingue que ils je t'offrirai à tes 18 ans. Ils vont comprendre, ces salauds. Mais leur gueule. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est le film en parle. Encore une fois, je vais un peu spoiler, donc si vous l'avez pas vu, encore une fois, allez le voir. Mais moi, il y avait ce truc que mes parents me disaient que je trouvais sûrement vrai à l'époque et que maintenant je me le dis, c'est faux. Donc si vos parents vous le disent, sachez-le, c'est faux. Il y a ce truc de oui, mais tu verras, quand t'auras bien réussi, que t'auras ton bac et que ces gars-là, eh ben, ils auront raté leur vie, eh ben, tu seras bien heureux. Parce que le film parle de ça. Mmh. C'est-à-dire que le personnage de Ludo, toi, tu te dis dans le film que vu que vous avez réussi et pas eux, vous allez leur balancer votre réussite sociale à la gueule. Ouais, t'as le côté aussi. Les Parisiens, enfin, on était en. Votre scène, elle est géniale. Pardon, excuse-moi, je fais n'importe quoi avec le micro, excusez-moi. Non, mais parce qu'avec Jérôme, on monte à Paris et t'avais ce côté, ah non, on va à Paris, on monte notre boîte, on va cartonner. Eux, c'est des. Ils sont restés là-bas. Ils sont restés là-bas. Campagne. Voilà, c'est les campagnards, on va leur afficher notre réussite à la gueule. Et le film, justement, montre que c'est pas vraiment vrai. Enfin, si, c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, j'emmerde les pécores qui m'écoutent. Derrière le périph', c'est la jungle. Non, mais et je suis assez d'accord parce que moi, on m'avait vraiment dit ça. Et aujourd'hui, je trouve que enfin, j'atteins les trucs dont je rêvais quand j'étais gamin. Et en vrai, il n'y a pas du tout ce truc de. Enfin, genre, je ne Facebookise pas les gars qui me harcelaient à l'époque pour dire alors à quel point c'est des merdes. Ouais. Parce qu'en vrai, au final, c'est juste triste en fait. Puis en plus, il n'y a pas vraiment de justice dans cette vie. Tu peux être le pire des enfoirés au collège, réussir dans ta vie et changer justement. Et t'excuser. Comme mon perso, quoi. Voilà, rapport à ça, quoi. Mais alors, du coup, Caroline, toi par exemple, parce que toi tu disais qu'au collège, tu t'es pris quelques tartes. Malheureusement, tu es là. Mais j'étais bagarreuse en fait. C'était ah oui, j'ai eu ma période. Ah, c'était pas imagé. Ah, je croyais que c'était une image. Non, tu t'es vraiment battue. Vraiment, j'étais en fait. Bah merde. J'étais pestouille. Et après, au collège, j'ai eu ma période Kaira de balle. Donc, ça veut dire que je voulais embrouiller des gens, mais je me prenais des totards. Parce que forcément, il y avait des Kaira plus Kaira que moi. Ouais. Une question de Jérôme Miel. T'étais habillé comment alors? J'ai eu la banane t'as et ça, je marchais comme ça. Ah, et ma mère faisait d'accord. Mais jusqu'à ses 23 ans. Hein. Voir, j'ai des photos. Les taquinis et tout. T'étais en jogging. T'étais en jogging. Oh là là, mais putain. Et je marchais comme ça. Génial. Et je disais, ouais, bref. Et maman, c'était pas possible. Elle me disait, ma mère me dit, mais enfin, et j'habitais dans le 17e, donc c'était pas complètement, ah, oui, oui. C'était complètement pas cohérent. Ah, mais voir ça. En même temps, tous mes potos, tu vois, je traînais quand même avec avec un peu des petites Kaira et tout. Oui, voilà. Qui aujourd'hui, ouais. En plus, très très bien réussi, qui aujourd'hui. Ouais. Finance mes appartements. Finance le cartel. Finance les cartels mexicains. De... Non, mais en fait, et je suis passée. Et après, il y a eu la période skateuse. Enfin, oh, ah ouais, toi, t'es passée par tous les. Ouais, mais un la Sims, quoi. Ça a duré vraiment pratiquement tout le collège, quoi. Où j'ai vrillé. Sauf qu'en fait, j'étais pas une vraie. Donc, dans la vie, ouais. Si je me faisais mater par une meuf, je disais, vas-y, qui t'a, manin, elle arrivait à me tarter. Elle te mettait une grosse arme. Ah ouais, merde. Brûlée et se faire. Brûlée, mais je me faisais. Taper à chaque fois. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui est là ou quoi? Bam. Et tu t'en prenais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bam. Et tu t'en prenais. Bon alors. Si tu veux te bagarrer, bam. Et encore. Elle perdait la mémoire avec les chaos. J'avais une super pote qui me protégeait, en fait. Donc Nadia, ah bah voilà. D'ailleurs, Nadia Benfetta, si tu m'écoutes. Toi, t'es le genre de pote qu'il faut défendu. Pas avoir parce que tu passes ton temps à t'embrouiller. Bah parce oui, que elle me défendait, j'avais ma pote qui me défendait, donc du coup, je me la racontais parce c'est que c'était un peu Nadia, c'était voilà. Et du coup, voilà, bon, bref. Et qu'est-ce qui fait dire à un moment, bon, allez, peut-être on va arrêter cette bah façon après, de faire. Après, ça se passe, quoi, tu vois. Ouais, ça, c'est des périodes. C'est des périodes. Et tout d'un coup, tu redeviens toi. Et Nadia a bien morflé. Non, mais après, ouais, tu te calmes et tu reviens sur tes. Et tu dis, non, n'importe quoi. Oh là là, mais c'est pas vrai. Et tu comprends ta mère quand elle te regardait en faisant oh là là, elle qui, tu vois, il y a encore quelques mois, te faisait des bisous, des câlins, t'étais encore sa petite fille, et puis tout d'un coup, tu prends. Mais parce que t'es obligé, coup, en fait, tu prends, te cherches. Tu prends 100 balles dans son portefeuille et tu dis ouais, encore bien aujourd'hui. Mais non, mais en fait, le truc, c'est que tu te cherches. Tu te cherches, tu veux et te faire accepter, donc ça dépend l'ambiance de ton. Nous, il y avait beaucoup de Kaira, donc tu veux être dans le game, quoi. Donc t'essayes de tu te cherches un jour. Mais te c'est, trouves, mais c'est extrêmement quoi. Intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, j'ai l'impression que c'est surtout ça, les années collège et même un peu lycée, et même un peu après, j'ai l'impression, mais c'est ce truc aussi de trouver ta place dans une espèce de zoo, de plein de gens différents et de vous les gars, vous étiez déjà catégorisés dans des teams ou pas vraiment parce que tu vois, Kaira, skateuse. Ouais, il y avait ça, il y avait les rockers, comme dans les films américains, l'équivalent du football américain mais côté basket moi. D'accord, donc c'était j'étais le sportif de l'équipe de basket, donc il y avait un truc un peu stylé. Oui, mais tu vois le basketteur populaire quand même. Oui. Ouais. Populaire et qui plaît aux meufs normalement. Ouais, bah écoute. J'ai des poèmes, merde. Faudra leur dire, quoi, tu vois. Mais... Non, mais toi, justement, t'es le gars de Breakfast Club. Genre, t'es en fait. Ouais, moi, je suis beaucoup plus profond que ça. Je suis pas moi, juste j'écoutais un sportif, Red Jamie Brassens et je faisais du basket. Quand tout le monde écoutait du gros Pera, tu vois. Mais moi, je faisais beaucoup de basket de rue. Donc, de ce point de vue-là, j'ai été amené aussi à être confronté à pas mal de racailles et tout. Mmh. Puis je les côtoyais, c'était mes potes. J'en étais pas une vraiment moi-même, mais j'avais le langage de quand je retrouvais mes potes au collège et le langage de chez mes parents, qui n'est pas le même, tu vois. Et j'avais la bouche beaucoup plus déformée quand je parlais avec mes potes. Quoi, mais... La mâchoire était à 5 cm sur le côté. C'est ça, tu vois. Mais c'est vrai, ce truc de clan, il y a un épisode de Malcolm que j'aime beaucoup qui parle de ça. Où à un moment donné, justement, ils essayent de se faire accepter. Chacun de la bande de la classe des têtes d'ampoule, là, donc des premiers de la classe, ils essayent tous de se lancer un défi de se faire accepter par une caste, par les gothiques, par les skateurs, par machin. Ça, ouais. Et au final, il y a quand même une guerre entre chaque clan et ils disent non, mais venez, on arrête, en fait, on se retire ces étiquettes-là, etc. Et c'était hyper bien pensé, je trouve. Voilà, je suis content de vous parler. Vous êtes monsieur série, alors. Ouais. Vous connaissez un petit peu toutes les séries. Mais j'ai l'impression que c'est quand même moins vrai le côté. Enfin, les gens s'acceptent, enlèvent les étiquettes. Ça, vraiment, moi, le collège, j'ai l'impression que personne n'évolue dur. Au collège. Ah ouais, j'ai l'impression que tu n'évolues que quand tu pars tu du collège. Ouais. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment la pire. Mais c'est tellement dur, en plus. C'est super dur. C'est tellement dur. C'est vraiment une période dégueulasse, quoi. Ouais. Mais ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est un vrai truc aussi, je trouve, sur les. Parce qu'on parle tout le temps des gens qui se font harceler, qui se font défoncer et tout, mais les gens qui le font, qui harcèlent et qui défoncent, enfin. Faut aussi les comprendre ces gens-là parce qu'en fait t'es un gamin. Il faut quand même remettre ça aussi en contexte. Et souvent quand tu grattes derrière, tu vas chez eux, tu fais ah ok d'accord, ça se fait des tartes avant de parler. Il y a pas d'écoute, il y a rien, il y a pas d'amour quoi. Tu vois. Mais d'ailleurs c'est les trucs. Je vais chialer. Non, mais, d'ailleurs c'est attends non je pense pas que c'est dans la vie scolaire mais il y a un moment où des les gens tu sais à un moment disent attention parce que tu dis lui tu le stigmatises en disant tu veux plus lui parler parce que c'est la Kaira mais faut pas oublier qu'en fait dans l'histoire c'est celui qui a certainement le plus de problèmes. Ouais bien sûr. Tu vois, et donc c'est celui qui fout la terreur mais parce que chez lui comme tu dis peu des coups toute la violence machin donc. Et voilà, c'est... et puis un jour tu t'excuses auprès des gens que tu as traumatisé. Un petit message Facebook. Mais en fait, tu changes, mais c'est. Et puis même, c'est vrai que même sans être. Enfin, sans qu'il y ait possiblement un, un background triste et tout, enfin, on est, comme tu dis, très jeune. C'est ça. Donc, t'as même pas besoin d'avoir En étant même un suiveur et tout, tu peux faire une énorme connerie. Ouais. Grave. Enfermer quelqu'un dans un casier, enfin, je dis n'importe quoi. Et découper ta prof. En fait, d'anglais. Tu te rends pas compte. Ouais. Oui, oui. Non, mais c'est que moi, enfin, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pas fait ce genre de truc là, mais j'aurais très bien pu suivre. Bien et rire bêtement. Bah, comme un coup, et, tu sais pas, en fait, en cinquième, qu'est-ce que tu. Enfin, t'as conscience de rien encore, vraiment. Moi, et c'est ça, à ce niveau-là, d'ailleurs, alors j'en mets une à Macron parce qu'ici on a un podcast indépendant. Eh Macron, t'es l'ami des banques ou quoi? Ouais, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Donc ça voilà. Ça voilà, ça dans ta gueule. Elle a pas volé celle-là. Dis donc, ta femme, un petit peu vieille ou quoi? Allez, vous êtes chez les grandes gueules. C'est un MC. On appelle Loulou au 8888. Non, en gros, c'est qu'on parle tout le temps de gens qui se font harceler, faut en parler autour de vous, faut machin. Et c'est très dur, il faut arrêter de dire aux gens si vous dites rien. Je crois que c'est Brigitte Macron qui disait si vous dites rien, on peut rien faire. Et en fait, si on dit quelque chose, vous ne pouvez rien faire non plus. Enfin, c'est pas, faut pas prendre le problème du point de vue des harcelés. Il faut prendre le problème du point de vue des harceleurs. Et c'est eux qu'il faut expliquer, il faut essayer de gérer. C'est très difficile. Hein, je dis pas, c'est des gens qui des fois aussi insultent les profs directement. Donc c'est, tu vois, je comprends que ce soit une galère. Mais c'est vis-à-vis de ces gens-là qu'il y a du travail à faire et pas avec les gens qui sont harcelés. Effectivement, et essayer de comprendre pourquoi pourquoi ils sont comme ça et pourquoi ils font des trucs pareils quoi. Mais après à cet âge-là, après pas tu les peux te chercher, ouais, pas quoi, les outils et surtout tu peux devenir. Moi pour avoir été je ne peux même pas me reconnaître. Je suis assez empathique et bienveillante. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais petite, je pouvais vraiment être beaucoup plus vicieuse, machin. Perfide. Alors qu'aujourd'hui, perfide, faire des trucs à mes copines pour qu'elles me raccompagnent chez moi parce que j'avais peur de rentrer. Je faisais des et aujourd'hui, je suis tellement à l'opposé, mais vraiment de ce que j'ai pu être petite que je me dis. Et en plus, c'est même pas la personne que tu es tout au fond. C'est vraiment un truc vraiment où tu cherches, de recherche de toi-même. Donc, effectivement, tu peux devenir la plus grande des bâtards. Recherche-toi toi-même. Je suis désolé, Jérôme, il déteste quand on parle loin du micro. Ah, c'est vraiment sais, ça. Je vois mais en plus, t'as un indice, c'est le casque que tu portes sur tes oreilles. Regarde, tu vois bien que t'entends moins que quand tu fais ça. C'est un indice sonore. Pardon, c'est le casque. Non, mais voilà. Oh là là, voilà. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et du coup il y a ce truc aussi de enfin moi j'ai fait pour me faire accepter de groupe en fait c'est ça le truc et moi je me faisais vraiment défoncer je me prenais des caillasses dans la gueule et tout, je me faisais tabasser moi j'étais vraiment vénère mais j'ai fait un truc horrible parce qu'il m'avait demandé il fait Flo si tu dis pas à la meuf là-bas que tu veux sortir avec elle donc qui était évidemment quelqu'un de pas très joli et de un petit peu grosse bah franchement on te tabasse alors que si tu le fais ça serait trop marrant. Putain, et bah tu le fais quoi. God, tu fais et t'acceptes en fait. Ils m'ont même pas dit je te tabasse, ils m'ont dit parce que ce serait marrant. Moi j'étais là genre je vais pouvoir les faire marrer. On va prendre un petit peu de bon matos. Et j'y suis allé, c'était horrible parce que au début en plus elle croyait que c'était un peu vrai donc t'es sorti avec elle ou pas? On a deux enfants. C'était horrible et j'ai oublié son nom et j'aurais adoré faire ce truc d'envoyer un message mais j'ai oublié son blaze donc si jamais elle écoute je m'excuse. Mais peut-être qu'elle s'est flinguée, c'est ça que t'allais dire. peut-être à cause de toi, voilà, bien joué. Non, mais c'est vrai que c'est là que tu vois aussi la force de l'environnement parce que on passe plus de temps à côtoyer les boulis ou pas les boulis au collège que tes propres parents. Parce que tu passes 8 heures par jour en fait avec ces personnes-là, et au final tu fais que le matin et le soir avec tes parents. Ouais. Et le matin encore. Et encore le matin, oui, ça dépend effectivement, mais c'est là où c'est hyper important le relais des parents. C'est-à-dire que effectivement on peut devenir une racaille. Moi j'ai fait des trucs de voyous vraiment. Mm. De bandits. J'ai détourné de l'argent. Les attentats de Londres, vous vous souvenez? Ouais, j'ai détourné de l'argent. J'ai passé un briquet. Dire, en fait. Non, mais c'est vrai, j'ai détourné de l'argent quand j'avais 15 ans à des personnes âgées. Je me suis fait passer, je l'avais déjà raconté en plus, c'est le truc, je vais avoir les flics. C'est que. Tu vérifieras le délai de prescription. Non, mais, dirais, c'est là que tu vois aussi à ces âges-là à quel point ça fait mal quand tu te fais rejeter, justement. Ouais. Et cette fille qui m'avait rejeté et qui avait. Lancer cette rumeur m'avait offert à mon anniversaire quand elle n'était pas encore pestouille. Elle m'avait offert un filofax. Personne ne sait ce que c'est un filofax. Non. C'était une espèce de gros agenda que les chefs d'entreprise avaient à l'époque. Ah, c'est un filofax. Ouais. Et tu dis déjà quelle idée d'offrir ça à un gamin de 10 ans et demi. Tu vois, bon, toi t'écoutais Brassens donc bon. Alors qu'une bonne guitare sèche et une pipe, tu vois, ça m'aurait fait du bien. Tu vois. Et une pipe à fumer, on est où là? Merde. Et en gros, à côté de mon collège, il y avait une cité, et juste à côté, il y avait une résidence pour personnes âgées qui dépendait d'une paroisse. Et je dis à mes potes qui étaient un peu racailles aussi, je leur dis, venez tel jour bien saper, le mieux saper que vous pouvez, et je vous expliquerai ce qu'on va faire. Et en gros, on est arrivé, on a fait du porte-à-porte dans cette résidence, bien saper avec le filofax, tu vois. Et donc on tapait, ils voyaient nos petites têtes d'ange, machin, et ils disaient, oui, c'est pourquoi. On disait, bah, voilà, on représente en fait les enfants de la paroisse Santos du Mont, et on récolte des fonds pour les enfants battus, tu vois. Ah ouais, là, total. Donc, tout est dégueu. Donc, c'est tout, ça est dégueu. Génial. Tout est dégueu. Mais en même temps, génial. Tout est dégueu, tu vois. Et donc, le filofax, c'était la caution sérieuse parce qu'on faisait signer les personnes âgées dans le carnet avec la somme à côté pour dire, voilà. On se moque pas de vous. On vous prend pas à défaut. On s'était fait vraiment beaucoup de pognon en très peu de temps. 250 000 euros. Et c'est ce qui a financé le film Netflix. Merci Nico. Merci à toi. C'était, encore, ouais, Nico et prod. C'était encore en francs à l'époque. Mais on s'était fait l'équivalent de 500 ou 600 francs. D'accord. En un après-midi, à 100 balles, quoi, quand t'as rien à dépenser d'autre que juste acheter des trucs, t'as pas de loyer, t'as rien du tout. C'était des tamponneuses. Donc, ça fait beaucoup de rails. Bah ouais. Donc, heureusement qu'on s'est fait choper, parce que après, j'ai filé le carnet. C'était un vendredi. Ils ont voulu le refaire le week-end. Ils se sont à Roquencourt. Ils se sont fait choper. Ils m'ont balancé direct. Ça a été terrible. Ma mère, elle a pété un câble parce que justement, je manquais de rien. Ça dépasse l'école là. En ouais, plus, tu te dis, ça y est, mon fils est devenu un voyou. Et puis, il a le vice, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'était hyper méchant, tu vois, de faire ça, quoi. Donc, il a fallu rendre l'argent. C'est pas moi qui m'en suis occupé, mais il a fallu rendre l'argent. Et les potes qui avaient voulu le faire ont dû s'excuser au porte-à-porte. C'est vraiment la honte de s'excuser quand t'es gamin. Il y a vraiment ce truc, j'ai l'impression qu'on te pisse dessus, quoi. Genre, bah, je suis désolé. Quand t'as dû dire pardon à la prof, là, Ludo, moi, je n'ose même pas imaginer de mettre dans tes chaussettes. Ouais, c'est ça. Ouais, mais l'histoire de la prof, elle est nulle par rapport à ton histoire de vol de personnes âgées. Bah, qui va être adapté par... On veut l'amour, madame la prof. Non, mais moi, c'est ridicule. Et là, t'as la prof qui dit non, mais hors de question que je te baisse. Il y a le mec qui a rien qu'une vieille. Lui, c'est lui que je veux. Ouais, lui, j'ai fini dans mon pieu. Je me rappelle d'ailleurs de l'effroi que j'ai eu. C'était encore à l'époque des répondeurs. Et donc, je suis dans le salon avec mes parents. Et le téléphone sonne, message répondeur s'enclenche. Et là, c'est la mère d'un des gars qui dit « Il faut absolument qu'on se voit. Votre fils a fait quelque chose de très grave. Oh » Et je me rappelle de ma mère se décomposant et me regardant. Et je me disais « Eh ben, c'est fini. Ça y est, c'est la fin tout. » Ah ouais, bah bien à l'époque, sûr. Je préférais faire de la tôle plutôt que mes parents soient au courant. Ah quoi. Ouais, c'est pas possible. Et puis c'est la honte surtout quand tes parents commencent à connaître les trucs de l'école. Moi déjà, les rencontres parents-prof, ça me faisait me pisser dessus parce que je trouvais ça. Mon cerveau n'acceptait pas que des profs parlent à mes parents dans des couloirs. Ouais, et en plus, c'est horrible. Les trimestres, en plus, ma mère, c'était vraiment. Alors, elle leur faisait un peu des caissasses. C'est genre, moi j'avais vraiment des bonnes notes. Franchement, j'avais un 14 tout le temps. Enfin, j'étais vraiment bien. Oui, mais un jour, j'ai eu le malheur d'avoir 10,5. Pardon la France, elle a voulu voir tous les profs. Mais ce qui est ridicule, c'est-à-dire que la prof de musique, elle était là, genre. Déjà, de base, je pense qu'une prof de musique et une rencontre parent-prof, et là, genre, qu'est-ce que je fous là? Tout le monde, personne en a rien à foutre. Mais c'est vrai, personne. Trois fois qu'on me demande mon prénom, genre. Aucun le sport, la musique. Aucun parent se dit, j'aimerais bien avoir l'avis de la prof de musique quand même sur ce que fait mon fils au quotidien. Il a baissé en flûte là, j'aimerais savoir ce qui s'est passé. Non, mais c'est vrai, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Donc je pense que même la prof, ça la faisait chier. Elle était genre, va falloir que j'aille à la rencontre parent-prof voir la madame Bernard. Elle m'a niqué mon samedi matin. C'est exactement ça. Et elle avait voulu voir tous les profs et c'était horrible. C'est et tu sais, le cerveau accepte pas en plus. Tu et donc toi que... t'étais à côté d'elle. À côté. Et moi j'étais là genre mais maman il y a des élèves c'est trop stylé ils y vont pas. Ouais. Il y a des élèves ils y allaient pas c'était leurs parents qui allaient rencontrer les profs. Pas. Ouais voilà c'est ça. Moi ma mère elle voulait que je sois là. Très mauvais moment. Qui est honteux ça dure deux après, heures. On parle de Watt quoi. On parle de Watt. On parle de toi devant toi en des termes pas ouf. Ouais. Un jour où il y a pas école. Ça fait c'est énormément. Vrai, c'est vrai ce que tu dis. Il y avait vraiment ce truc où tu croises en plus les autres élèves aussi qui sont là avec leurs parents. Il y a vraiment un échange de regard où on est tous en tôle. Quoi. On est tous dans la. Mais moi, c'est tellement pas des bons souvenirs c'est que dur, je vais avoir 40 ans là en janvier. À chaque fois que je passe devant une sortie de collège ou de lycée quand je suis à moto, je me branle. Bah, la fameuse crise de la quarantaine, on se branle sur des gosses. C'est plus les vieilles maintenant. Les démons les de midi, hein, le démon de midi, c'est ça. Non, mais je suis encore soulagé au présent de ne plus y être en fait. Oui. J'ai encore ce soulagement de dire putain. Ils doivent avoir mal au ventre parce qu'ils ont des devoirs demain, des machins, des trucs. Jamais pour fait, rien j'ai au monde. J'ai fait la rentrée de mon petit parce que j'ai un petit qu'est-ce garçon que de 3 ans et demi. C'est incroyable. Alors, je suis libre. C'est charmant. Parce qu'en fait, je revis tout son. Il a quel âge? Il a 3 ans et demi. D'accord. Donc, il a fait sa rentrée, mais il est passé de la crèche à la maternelle. C'est d'une violence. C'est d'une violence. Non, mais c'est vraiment ultra violent. Parce que déjà. Parce que vous le jetez littéralement. On le jette, il n'y a plus d'explication et tout. Non, mais surtout, c'est-à-dire qu'à la fin de sa première journée, il te raconte toutes les angoisses que tu peux te faire, il te les raconte. C'est-à-dire. Ouais. Mais tout. C'est-à-dire, j'aime pas la maîtresse, en plus, souvent elle me tape. J'ai bon, le sida il est malin. Et tout, mais tu vois, la maîtresse me tape. Non, à la récré, il y a des plus. Non, non, non, mais il sort des tricks comme ça. Il sort des trucs comme ça. Il fait non, je l'aime pas parce qu'en plus, elle arrête pas de me taper. Il y a des quarantenaires qui se branlent devant l'école. Il y a un monsieur qui joue dans la grande classe devant nous. Qui vole les vieux. C'est ton copain du film, mais il arrête pas de se branler. Non, et après dans la cour, c'est et en plus je peux pas jouer, je peux pas faire le toboggan parce qu'il y a les plus grands qui me tapent. Oh, et en fait t'as tout ça et tu sais que là c'est parti pour 16 alors, piges. C'est que le premier jour. C'est que le premier jour. C'est vrai, que c'est pas le collège. Si il redouble pas. Il va toujours le petit. Tu vois, on a été le petit. Ces ans de mensonges. D'où l'intérêt de choisir bien les prénoms. Fait super rep et là tu vois tous les petits qui je te jure c'est d'une violence pour tous les parents terminé, là. Hein, moi on a tous super peur, je me posais on se la question, mais là... et on se fait non pour les parents. Oui, mais je me posais la question en tant que futur parent. Ton petit bout, c'est horrible. Bah ouais. Et tous les parents dans ce concert, on a tous le même âge, 30, 19. et on se regarde et on fait c'est d'une violence. Ouais. Ça y est, ça a commencé et c'est le premier game quoi. Ouais, et là, c'est encore petit. Mais il me dit il y a un grand qui m'a tapé, il voulait pas que je le fasse et donc et moi je l'ai fait. Mais il y avait pas la maîtresse qui l'a pas disputé. Il y a plus, c'est plus la protection. Je vous jure que ça te renvoie instantanément sur tout ce qu'il va vivre là. Et là encore, on est gentil parce qu'on dit petits enfants petits problèmes, grands enfants grands problèmes. Et donc on va le traverser, mais en tant que parent. Et c'est tellement encore frais dans notre testasse. Oui, parce que là en plus il t'en parle. Il y aura le moment où en plus il va te détester. Il donc va avoir peur. Il dira plus où. Et là tu dis. Enfin bon bref voilà, comme je suis dans ce game là en ce moment, ça me rappelle tout ce dont on est en train de parler et ça fait super flipper de voir ton enfant vivre ça. Moi je crois que un des trucs qui a pu me sauver peut-être, c'était de savoir, même si j'avais pas envie d'en parler à mes parents, de savoir que je pouvais parler de tout à mes parents. Que t'avais une écoute. Parce que moi le nombre de potes qui étaient en errance parce qu'ils pouvaient parler de rien en fait avec leurs parents, tout était tabou, tout était après des fois c'est au dialogue. Ouais. En fait, mais ça c'est un truc aussi que t'installes très tôt et mais qui est très difficile à tester. Moi mes parents ils ont été géniaux avec moi et pourtant je leur parlais de rien. Il y avait une espèce de blocage mental. Ça dépend du gamin. Ouais, et pourtant vraiment ma mère possible. Oui. Ben ouais, mais je l'ai jamais fait. Mais j'en sais jamais. Ça, c'est pas grave. Mais ça m'a jamais permis d'aller mieux. Ouais, d'accord. Enfin, tu veux dire, ça n'a servi à rien. Et alors de dire que tes parents étaient ouverts à ça et ma mère, en tout cas, oui, elle était très ouverte d'esprit là-dessus. Elle était là, genre, tu m'en parleras et tout, mais machin. Ça dépend sur qui te tombe, tu sais pas. Non, moi, je pense que j'avais peur de sa réaction. J'avais peur qu'elle aille voir les parents, que tout de suite elle. Que ça envenime, en fait. Ouais, j'avais peur qu'elle aggrave le truc. Tu fais des bolasses, un sarouel et tout. En plus, ma mère m'a eu très jeune. Est-ce que vous avez vu la lutte des classes? C'est extrêmement bien fait pour ça quand même. Ouais, tous les discours. C'est la grande classe, donc c'est la grande classe. La meuf qui vend autre chose. Ouais. Allez, foncez voir la lutte des classes, c'est formidable. Allez voir la vie scolaire. Enfin, en tout cas, ça résume bien. T'allais dire ça. Un truc tout à l'heure, toi, Ludovic, sur. Est-ce que t'avais cette angoisse, toi? Si, non, je voulais rejoindre ce que disait Nico quand tu disais que t'étais devant des collèges et que ça te foutait un peu la boule au ventre. Et la main dans le slip. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus. C'est que je suis bien, bien content d'avoir 30 ans et de ne plus être dans cette. Dans ce début de vie. Genre, j'apprécie vraiment ma vie aujourd'hui. Je suis un adulte. Ans, tu kiffes. Ouais, tu kiffes plus. Tu j'ai aucune nostalgie, moi. C'est pour ça, accrochez-vous, ceux qui nous écouteront. Moi, je parle de la nostalgie, tu vois. Attendez, excusez-moi, Ludo. Je parle de nostalgie, excusez-moi les amis. Je parle de nostalgie ici si, pour des rencontres ou peut-être plus pour le côté un peu colonie, tu vois. Fourrir en classe, etc. Moi j'aime même pas ça. Moi je te jure, les collèges. Colo moi j'ai jamais fait de colo, non. Colo c'est quand même quelque chose. Colo, tu veux parler, Flo? Est-ce non, que ce serait pas le moment je fais ce podcast pour ça, Caroline. Enfin, la colo c'est cool parce que t'es pas avec tes parents aussi. Il y a un côté un peu de liberté surveillée, mais c'est un peu différent. Mais j'aime bien. Moi j'adore les colos. Et du coup, excusez-moi, mais je kiffe vraiment ma vie maintenant. Et les années collège et les rencontres et les problèmes que tu peux avoir à cette période ne me manquent pas du tout. Quoi. Et ça plus le. Quel soulagement. Moi, quand je pense que. Enfin, même le temps passé à l'école, moi, je n'arrive pas à comprendre comment je faisais de me lever à 7 heures et passer 8 heures assis sur une putain de chaise à écouter des gens parler. C'est les devoirs en rentrant. Les devoirs en rentrant. Pas te servir, pas te servir. Mais elle est où ma vie, quoi. En plus, on fait partie des pays d'Europe avec les programmes les plus chargés, les journées les plus chargées. Ouais, c'est assez mal foutu. Ouais, mais on est aussi champion du monde. Donc, on ne peut pas toi. Ouais, c'est vrai. Faut prendre. En balle également, donc c'est pas négligeable. Non mais les devoirs, moi ça je... En fait, même maintenant que je bosse, alors que j'ai le métier dont je rêvais, je n'arrive pas à imaginer le fait de rentrer chez toi et rebosser derrière si t'as bossé toute la journée. Ouais, c'est ça. C'est violent quand même, c'est ce qu'on nous impose. Mais alors moi la question que je me pose, c'est si Je viens à produire 2-3 mômes. On est déjà sur un trio. Comment je vais me placer, par exemple, comment se placer effectivement par tout ce truc-là. Moi, je me souviens mes parents qui étaient extrêmement anxieux sur le fait que je puisse obtenir mon bac ou non. Et parce que moi, je m'en fous, je l'ai, comme on dit. Voilà, ouais, c'est ça, voilà. Exactement. Et une fois que je l'ai eu, la décompression totale des darons en limite. Moi, j'ai entendu mon père au téléphone. Bien évidemment, je lui ai fait la blague que je l'avais pas. Évidemment. Car déjà à l'époque, j'adore les pranks téléphoniques. Et du coup, il y a eu un silence. C'est quand tu as rejoint l'hôpital que tu as compris que c'était trop loin. Il y a eu un silence. J'ai désamorcé. J'ai dit si. Et là, j'ai entendu vraiment des sanglots, genre. Oh non. Et oh, tout ça. Pour aller tourner des vidéos dans un garage pour sur internet. Donc, comment je vais être, par rapport à d'éventuels enfants, ou dire bah ouais, mais si t'as des devoirs pour demain, faut les faire. Mais Dieu sait que non. C'est tellement partagé maintenant. C'est vrai. Moi, j'ai presque envie d'en avoir pour ça et les griller sur des conneries, c'est en ça. Train de fumer des clopes et de dire hey, mec, j'ai fait ça avant toi. Moi, j'étais avec mes parents. Aucun des deux n'a eu le bac. Ma mère s'est arrêtée en seconde. Elle est débile, pardon. C'est deux bonnes buildées, tu vois. Je suis désolé. Elle comprend rien. Comme ça, ouais, vraiment. Non, mais... je lance un steak dans la gueule et je partage en boîte. Mais non, mais en fait, aucun des deux n'avait eu son bac. Aucun des deux n'avait été studieux, n'avait été tout ça. Avait envoyé chier. Les deux avaient fait des conneries au lycée. Et pourtant. Ils avaient quand même cette espèce de on porte le masque de non, faut quand même que. Mais mon père, il me disait les profs, on s'en fout complètement, l'école, on s'en fout complètement. Ah, quand même. C'était juste ne leur donne pas les moyens de t'humilier socialement. Eh oui. Tu vois, c'est donne-toi le pouvoir de dire non. Et pour avoir le pouvoir de dire non, il faut bosser un minimum. Tu vois. Ouais. Et donc, il était plus dans un truc de. Bien pensé. Il était plus dans un truc de moi, je suis d'accord avec toi, fuck tout le monde. Ouais. Mais si tu te retrouves tout seul et que tu peux pas manger, bah, tu diras fuck peut-être un peu moins fort. Et ça va te vexer. Et du coup, il me disait si vraiment tu veux dire fuck, alors faut accepter les conséquences de ça. Ouais. Il me disait des trucs là-dessus sur quand justement j'avais fait mon truc de détournement d'argent, etc. m'avait dit un truc trop bizarre parce que ça fait parole de voyou. Il m'a dit que je vienne jamais te chercher au poste parce que t'as volé un CD. Par contre, si un jour j'apprends que tu t'es fait choper parce que t'as essayé de faire sauter la banque, là, ça pour vraiment te changer la vie, il dit je serais triste parce que tu seras en prison. Mais il dit j'aurais au moins compris la démarche. Récupérer la thune. Mais ça explique pourquoi le frère de Nico a rejoint Daesh. Voilà. Ce truc a été moins bien géré de ça. Bah après, on se skype régulièrement. Hein, c'est pas, tu vois, ça. Ça cave. Il y a de la 3, il y a de la 4G en Syrie. Franchement, ça bombarde. Je fais des 8 transferts de petites vidéos. En gros, je dis pas pour juste finir, je dis pas qu'il faut bien rien foutre à l'école et tout, mais le curseur est intéressant à mettre la pression ou pas, tu vois, sur la réussite d'un 18 sur 20 en histoire géographie, tu vois, mes parents ils mettaient pas la pression, mais je sentais qu'il y avait quand même un truc, il faut vraiment avoir mais moi il y a eu là, ce sinon hein. Dupontel, ils avaient plus peur que nous, je pense qu'ils l'avaient, ils savent déjà que le bac ça suffit pas, mais alors si en plus tu l'as pas, je pense, tu vois, il y a un truc, c'est ça le truc. Voilà, bon, mais tu vois, pour en revenir, forcément, je parle de mon fils, mais je veux être ça, cette maman un peu cool qui a vécu ça. Va boire un coup. Non, mais sur tu veux, toi, j'ai tellement été comme ça, contre le système, contre ma mère, le bac, je voulais pas l'avoir, donc je l'ai eu par miracle. Et en même temps, tu deviens parent et tu veux quand même... tu as ce souci d'éducation, tu veux quand même qu'il l'ait, parce que pareil, tu dis socialement, en fait, faut qu'il existe, pas qu'il soit marginalisé, Et en fait tout, tu redeviens malgré tout un peu les ramps que tu voulais être, parce qu'en fait tu veux le protéger. C'est vrai, mais bien tu vois, nous qui faisons des métiers de vocation, de saltimbanque, non mais de passion, comme tu disais, des métiers dont on a rêvé et que maintenant on arrive à faire, est-ce que, enfin, j'en sais rien, je suis pas parent non plus encore et tout, mais j'ai l'impression que la vraie réussite, en fait, quand t'es parent, c'est quand ton gamin, en tout cas pas trop tard, a trouvé ce qu'il avait envie de faire. Ouais, ça voit quoi. Qu'il a trouvé, mais éperdument, une ce qu'il avait envie, une de faire. Passion, tu peux avoir très peur si ce qu'il a envie de faire ne dépend pas du bac. C'est voler des vieux. Voler des vieux, je voulais dire. Tu peux avoir très peur. Non, mais si ça dépend pas du schéma scolaire classique, tu dis pourvu qu'il change pas d'avis, parce que par contre, il a pas de bagage. Mais je crois que c'est le travail le plus dur pour les parents, c'est de réussir à dire qu'il n'y a pas de mauvais ou de bon choix, mais il y a le choix qui te convient, tu vois. Ah, moi, ça me terrifie de savoir comment. Moi j'ai pas d'enfant, mais mes parents, moi, ils m'ont que élevé dans on est en galère, c'est difficile, donc faut bosser, parce que comme tu vois comment on en chie, donc si t'as pas ton bac, t'en chieras aussi, on n'a pas envie d'en chier. Ce qui était d'ailleurs très bizarre comme façon d'éduquer, parce que moi en tant qu'enfant je trouvais qu'on en chiait pas, enfin ouais. Tu vois, j'étais là genre ouais. Franchement ça va, on a une maison et tout, tout va bien. Mais effectivement, mes parents, ma mère est vendeuse et mon père est jardinier. Donc il y a un espèce de truc où effectivement, c'est des métiers qui prennent beaucoup de temps dans ta vie. Quoi. Et toute son, leur éducation était beaucoup basée là-dessus, tu vois. De en fait, faut le bac parce que t'as pas le bac, bah tu resteras ici. T'as envie de rester ici. Alors vu que je vivais au Tain, ça marchait pas mal pour moi de me dire qu'il fallait que je me casse. Mais ouais. Mais il y avait ce truc-là. Et du coup, moi, je suis un peu. Je me dis, putain, moi là en ce moment, alors je sais pas si ça va durer, mais si, imaginons que j'ai un enfant avec ma vie actuelle où je vis. Non seulement de ma passion, bien, mais en plus ouais. Pas trop mal et tout. Je n'arrive pas à comprendre comment je vais. J'ai aucun bagage sur comment éduquer un enfant ouais. Parce que j'ai pas du tout la même vie que mes parents. Tu vois, ouais. Donc il y a vraiment ce truc de oh putain. Alors là, je sais pas du tout comment je vais gérer. Ouais. Bah, ne serait-ce que de faire plein de aussi, blagues, oui, tu vois. Ouais. Moi, je m'imagine un père ultra stylé qui arrête pas de faire des vannes. Moi, je rêve que mon enfant soit à l'école pour m'engueuler avec les profs. J'ai envie de m'engueuler ouais. Avec les profs bien sur l'éducation alors, de mes parents, de mes enfants. Tu vois, de dire c'est quoi ces devoirs là, le sac il est lourd, putain, il a mal au dos. C'est des trucs que j'ai envie de faire, tu vois. Mais moi, je pense que c'est possible. Enfin, je prends pour petit exemple Julien Méniel, le frère d'Adrien Méniel. Le sniper de l'émission. Qui est un mec super cool, qui maintenant vit aussi de sa passion. Il a fait plusieurs métiers. Il a deux enfants, deux grands-enfants, 16 et 19 ans. J'espère que je ne me trompe pas sur leurs âges. Non, un peu moins, mais bref. Et ils sont super bien élevés, mais pourtant, ils se marrent avec leur père. Comme joyeux, peu de gens oseraient le faire avec leur père, tu vois, sur le rapport adulte, adolescent, etc. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la. C'est sans limite, mais par contre l'éducation est là, ouais. Ils sont droits, tu sens que c'est des bonnes personnes. Élevés, donc je pense qu'il y a pas de règles vraiment, mais c'est vrai que ça fait peur. Et après il y a les profs sur lesquels tu tombes aussi. Ouais. Vous avez des souvenirs de, alors par celle que tu voulais démonter, Ludovic, apparemment, la prof d'espagnol que t'as voulu ken. Il y a des souvenirs de profs. Commençons par le prof cool, parce qu'on est en train de se plaindre depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un souvenir de prof où vous êtes dit, t'as ce mec là ou cette meuf là, stylée. Et accompagnant dans la vie. Et tu vois, moi j'ai ce prof qui nous montrait des cassettes vidéo par exemple. Ça peut paraître con, mais je me rends compte que ça a dû jouer mine de rien en disant putain, une prof de français m'a laissé diffuser Devon Number. Moi c'est quand même ma grande fierté. Ah, génial. Moi j'ai pas de souvenir de prof cool ou tortionnaire quoi. C'était assez. Basique quoi. De l'eau tiède quoi. Ouais, de l'eau tiède. Comme ton os sur. Ouais. C'est quoi cette adolescence putain, Jérôme, merde. Non, mais j'ai pas de souvenir. J'ai pas de souvenir d'avoir dit. Oh, peut-être un prof de philo, ouais. Ouais. Avait un, philo, mais je comprenais quand même rien à ce qu'il disait donc mais je me suis dit c'est quand même cool comme il le dit, c'est un peu stylé et tout, j'ai un peu envie, non je comprends rien. Non, bon. Ludo, moi dans le côté badant, ça rejoint un peu ta question mais ça y répond pas forcément. Oh tu sais, on s'en fout, c'est assez libre hein. Je suis un peu nostalgique comme garçon, c'est-à-dire je peux phaser sur des trucs, enfin si, je suis repassé par. Bon, là, je vais loin dans mes explications. Je suis repassé devant le lieu où il y avait ma colonie quand j'étais petit. Je suis repassé devant et j'étais comme un fou. J'avais envie de pleurer et tout. Ah, mais j'ai ça aussi, moi, t'inquiète. Sur des lieux, sur certains des gens. Lieux, j'ai ça. Ouais, t'inquiète. Moi, très souvent. Et ouais, du coup. Mais je t'ai vu parce que je me masturbais juste à côté. Et du coup, je voulais voir un peu à quoi ressemblaient mes profs aujourd'hui. Donc j'ai voulu stalker un petit peu, je suis allé sur Google. Et il y en avait quelques-uns de décédés. Aïe, ouais. Voilà pour la fin de mon anecdote. C'est que j'avais par rapport à la question de Flaubert qui était est-ce que vous aviez des profs morts, sympas du coup, ou sont ni méchants ni gentils, sont décédés. Ça répond pas trop. J'ai répondu. Peut-être qu'il y en avait des cools dans les décédés. J'en sais rien. Et voilà. Ça t'a foutu les boules ? Bah oui, je me suis dit, le temps passe. Ah, ouais, le temps passe. Bien sûr. Et je suis retourné dans mon ancien collège récemment. Et j'ai regardé. Tout le monde était mort également dans le collège. C'était une fusillade. Du coup, petit hommage à Ariane. Oui, voilà. Ariane, j'étais triste. Moi, c'est toute mon enfance. On l'embrasse. Le temps passe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle s'est battue. Non, mais c'est hyper triste. Moi, ça m'a rendu triste. Bref, sur Ariane passe, Club Dorothée. Bah ouais, mais moi je la connais pas du tout, tu vois. Ah oui, bah et je me suis rendu compte en fait. Merci, bonsoir. Non, moi j'ai 28 et pareil, moi je suis tu pas du Club pas Dorothée. Ah mais ouais, moi, c'est pas du si tout. Si Coco Delevingne meurt, là concert, je suis pas bien par rapport. Dans Ariane et des bisous. Je pense que ça s'arrête à partir quand t'as 31, tu connais peut-être 32, tu connais c'est sûr, mais moi je connais pas du tout. Ariane, c'est on parle juste après moi. C'est plutôt notre génération alors Annick. 19 20 ans. Moi j'ai vu que Ariane, j'ai vraiment cru que c'était Ariane Massenet moi, que c'était Ariane Massenet qui était la fusée moi. Non mais qu'est-ce qui se passe et tout. Fusée, j'ai déconné. Quel hasard, Ariane Massenet a fait le générique de Dragon Ball Z. Cette histoire. Et nous on l'a vu en concert quand même. Ouais. Ariane Massenet. C'est vraiment une époque. Ariane Massenet. Je comprends plus la conversation là. Dans Dragon Ball. Ouais, non, moi j'avais vu Ariane et les bisounours quand j'étais petit. Sûr. Et j'étais un mais peu mais les bisounours vont bien d'ailleurs, si vous êtes inquiet. Ouais, ils vont bien. Eux ils vont bien. Il y a juste trèfle, trèfle à quatre feuilles qui a une petite phase un peu de tox, mais ça. Et alors mais, ouais, pardon, vas-y. Je termine juste sur. Et je suis repassé dans mon collège et j'ai regardé pour voir les profs et il n'y en avait plus aucun que j'avais. Ouais. Ça, plus le côté, il y en a des décédés, je fais putain, ça passe vite. Bah oui. Le collège, mais c'est. Ça passe à une vitesse. Je voulais alors que tu y passes 4 ans de ta life. Moi, c'est ça qui est fou. Bah ouais. Moi, 12 du coup. J'allais dire pour les plus. Ah non, mais moi, mais minimum 4 ans, tu te rends compte. Moi, ouais. Il y a 4 ans, j'étais. Enfin, ouais, c'était encore sur I4, quoi. Ah bah ouais. Je sortais, je me fais virer de sur I4 et c'était il y a 4 ans, quoi. Donc, du coup, c'était un truc un peu ouf, quoi. Je me dis, putain, mais alors que pour moi, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité, sur ouais. C'était la deuxième année Studio Beagle, il y a 4 ans. Beagle. C'est celle qui a pas marché. Qui était sur WTV et qui a pas du tout marché. Et Caroline, toi, des souvenirs de profs, mais peut-être des profs horribles. Hein. Moi, je suis en mode. Oui, il y a eu le prof de moi, philo, j'ai eu les comme deux, Jérôme, ouais. Prof de philo hyper charmant ouais. Et hyper ouvert, hyper au lycée. Il t'a fait aimer la philo. Et du coup, j'ai eu 14 en philo. Oh, bac, bien sauvé. Parce que t'étais en L. Il m'a fait aimer la philo. Oh. Et j'étais en L. Ah oui, donc en plus, COEF 32. Donc COEF, ce qui m'a sauvé de mon 1 sur 20 au bac oral de français. Ah ouais, mais qu'est-ce que et fait, on peut avoir juste, le bac fait... quand même. T'as dit bonjour. Ah, j'ai pas réussi à dire bonjour. Et là, ça dégage. Tu sais ce qui s'est passé? J'étais persuadée qu'avec mon. J'avais vu. Bon, mon père à l'époque sortait avec une voyante. Elle est ivre. Je vais la, la consulter, elle me dit tu tomberas sur le texte que t'adores. Camoulox. Non, mais déjà quand tu vas voir une voyante, c'est que t'es dans la merde. J'étais dans la merde, mais c'est la meuf de mon père. Donc je dis tiens, je vais la consulter. Elle me dit. Non, mais moi j'étais une ouf déjà. Non, mais génial. On va aller voir une voyante, toi et moi. C'est marré. Je vais voir la meuf de mon père, je lui dis oh tiens, pour le bac et tout. Elle me dit tu vas tomber sur le texte que tu veux. C'est génial cette histoire. Alors que j'ai bossé ma philo comme une malade, je me dis, je sais, je vais tomber. Si je tombe sur les châtiments de Victor Hugo, on est bien et tout. Nanana. Ok, donc je bosse pas. Et j'arrive et tous mes potes me disent moi j'ai choisi mon texte. Ah, trop bien. Moi j'ai ma voyante, bande d'enculés. Qu'est-ce qui se passe, toi tu vas mourir dans deux semaines, elle me l'a dit. Et le mec me dit bon, alors je vais vous allez faire les fleurs du mal ou je sais plus quoi. Et je fais. Mais non, mais c'est moi qui dois choisir mon texte. Ah et il me dit, bah non, là, je vous l'impose. Je dis, mais toutes mes copines ont choisi leur texte. Ah et je pleure, hein, je suis vraiment. J'ai vu une voyante, bordel. Et je dis, mais pas choisir votre texte. Et il me dit, mais putain. Et il me dit, mais pas du tout, mademoiselle, là, je vous l'impose. Mais bosser, je dis, mais non, je peux pas. Et là, ma fierté, parce que j'étais très fière, fait que je reste devant ma feuille, comme ça. Et tu dis rien ? Ah ouais, d'accord. Je ne fais rien pendant 20 minutes. Un boycott. Je vais tomber sur mon texte. Il n'a pas voulu que je choisisse mon texte et tout. Et du coup, j'arrive devant lui, il me fait. Ben vous n'avez rien fait, je fais ben non. Il me dit mais pourquoi parlez-moi au moins de la syntaxe, de la grammaire. Ouais. Le parlez-moi prof perdu. Et moi j'étais là mais non rien et tout. Il fait mais mademoiselle je vais devoir vous mettre zéro, mais je vais pas vous mettre zéro sinon le bac est terminé. Ouais, c'est éliminatoire. Et j'ai dit bah je m'en fous, je préfère avoir zéro ou un que trois parce que c'est encore plus nul et oh, je sais que si j'essaye je vais faire de la merde. Et là, après il a fait mais non c'est moi c'est il mieux. Il me dit mais moi j'ai essayé. Dis moi j'ai essayé, je l'ai fait. Je dis oui mais vous vouliez être prof de français donc vous aviez des bases et tout. Hein, je pleure. Il me met un et t'avais je rentre chez ma maman et elle me dit alors. Ah mais j'ai dégouliné et je rentre et ma mère elle fait alors je fais j'ai eu un, je l'aurais jamais et je pensais pas avoir. Et après j'ai eu la philo, j'ai eu 14 et je l'ai eu. Putain, j'ai eu mon beau. Bac direct L, pas avec de, un 1. Pas de rattrapage. 6 points de rattrapage. Ça va. Mais ouais. 6 points. C'est-à-dire que t'as cartonné tout le reste. J'ai cartonné un peu le reste. Mais okay. Pas tant non plus. Hein. Oui, bah, quand même. Moi, la philo, parce ça qu'il y a le LGO quand même. La philo, super mal passé, moi, par contre. Ah oui, moi. J'ai détesté la philo. Ouais, ouais ça c'est passe qui pareil. Tu doubles la philo. Ah putain, mais moi, je pensais que j'allais adorer. Moi, j'étais en L aussi. Ouais. Et du coup, plus handicapante. Ouais. Comme et... t'étais en L. Ah non, merde, je déteste. Ah bah c'est parti, mon gars. Bah ouais, une année temps, avec un coef 18. Sauf que c'est la dernière année de ta life. Mais ouais, enfin, mais... de l'année du lycée. Ouais. En même temps, c'est-à-dire qu'en fait, entre le moment où tu découvres la matière et où elle est coef 14, voilà. C'est la même année. Mais c'est ça. Donc tu peux pas te dire, ah bah j'ai foiré, merde, bah mettez-moi en ES. C'est vraiment la matière de Turagage. Et coef 7. Mais coef 7, la il suffit que tu tombes sur un prof pas ouf, et bah c'est niqué. Bien joué, tu peux rentrer chez toi. Mais c'est vrai, ça. Et t'as eu combien du coup? J'ai eu 8 en philo, mais coef 7, donc là, pas mal de points à rattraper. Relou, ouais. Et le prof, en fait, alors il était pas horrible. En vrai, moi j'étais vraiment. Autant au collège, je me faisais tabasser, autant au lycée, j'ai découvert cette arme merveilleuse qui est l'humour. Et du coup, j'avais beaucoup de réparties. Et un peu connard quand même. Et un peu insolent. J'étais on était 3 mecs dans ma classe. J'étais en L, il y avait 17 meufs pour 3 mecs. J'en ai baisé aucune. Venge-toi. J'étais même pas envisagé L'engence. Par une seule. Mais en tout cas, j'étais le seul gars. Donc il y a quand même ce truc de mal alpha. Hein, bah, tu trouvais très drôle. Exactement. Voilà. Donc forcément, j'allais pas les ken. Donc il y avait quand même ce truc de mal alpha de je vais faire des blagues, je vais quand même être le gars qui fait rire tout le monde. Et donc lui, je le défonçais parce qu'il était très. Pas sûr de lui, c'était un prof vraiment fébrile, un peu jeune et tout, mais qui était pas bon. Enfin, moi j'ai détesté la façon dont on a travaillé ensemble sur ce projet qui était sur ce projet qui était l'obtention de mon bac. Mais il était pas méchant et tout, mais ça n'a pas matché. Ça n'a pas matché. Bah, il m'a pas passionné, et surtout, en fait, j'avais ce truc un peu de rebelle de mes couilles qui disait, mais de la philo. Oui, c'est super, Rousseau, Voltaire et Platon. Mais enfin, la philo, faut donner un peu son avis et tout aussi. Et lui était genre, les textes, machin et tout. Et je n'arrivais pas à l'accepter. Bah oui, parce que. Genre, ça, c'est du français. Bah oui, parce que en plus, pendant toute notre scolarité, quand t'es en L, on te dit, on t'apprend en fait à avoir les outils pour structurer ton argument. Une pensée, ouais. Voilà. Et là, d'un seul coup, tu dis non, mais cherche pas. Tu cites les philosophes, t'essayes d'appliquer les préceptes, mais etc. C'est ouf, c'est ça qu'il faut faire. Et en plus, comme tu dis, c'est une matière qui vient s'inviter dans ton parcours au dernier moment, et on dit ça risque de te foutre dans la merde. C'est décisif. Te cache pas. Voilà. Mais les profs, alors moi j'ai eu les deux, j'ai eu des profs atroces à base de qui te frappent et où il y a un moment donné, faut porter plainte parce que ça va trop loin. Bon, Nico, et des profs super. Quel pays t'as grandi, Nico? Non, je suis sûr, c'est vrai. T'as grandi en Ukraine. un prof de CM2 aussi, qui me frappait la tête contre le mur. Ah ouais. Donc et donc ça, mon père a voulu le rencontrer. Non, mais il a pris des congés le lendemain, le prof. Et mon père est venu, il a dit voilà, s'il touche un cheveu de mon fils ou d'autres enfants. Là, on va passer sur un autre registre, tu vois. Et donc après, moi, il m'a plus jamais touché, mais genre, je l'ai vu mettre des énormes coups de pied aux fesses à un gamin en CM2, donc il a à peine 10 ans, parce qu'il avait fait genre 14 fautes à la dictée. Il lui a mis il mérite. 14, c'est un débile. Hein, My God. Donc l'humiliation au-delà de la force des coups, l'humiliation déjà, quoi. Mais en bon prof, par contre, moi, j'adorais les profs qui nous considéraient comme des adultes. Qui bêtifiait pas le propos. Ah, c'est ça. Par contre, quand du coup ils t'engueulaient, tu avais l'impression d'être une merde parce que tu les avais déçus. Mais moi j'adorais les profs qui te responsabilisaient en fait. Et moi, si tu le fais pas, je m'en fous. Ouais. Mais je veux juste que tu t'intéresses en fait. Ouais. Tu vois. Ça, moi j'adore aussi. Et moi j'avais un prof que j'ai vu une fois un peu violent, mais c'était un vrai. Un SJW pour le coup, mais un vrai. C'est-à-dire que vraiment, il était horrible avec les bullies quoi. Genre vraiment. Dangereux, enfin en vrai pas bien. Qu'est-ce faut que pas vous faire appelez ça. Les bullies en c'est fait, les, c'est les pas. Gens qui artent, les brutes, ah, les gens bullies. Qui tabassent. Okay. D'accord. Et lui c'était Monsieur Philibert d'ailleurs, je me souviens. Et je sais pas s'il est encore vivant. En tout cas, j'ai vérifié, il est toujours là. Merci. Merci. J'ai regardé tout le monde. Et lui, il me fascinait parce qu'il avait vraiment. Déjà, il disait des gros mots. Et tu sais, il y a un peu un truc stylé du prof. Fait voilà, bon après voilà, ça on s'en branle en vrai. Mais après ça, c'est vrai que c'est un peu cool. Tu sais, il y a un peu un truc genre t'es un humain. Parce que les autres profs c'est pas des humains, tu vois. Ils ont un attaché case. Tellement dur d'être prof, mon pote. Ils rotent en parlant. Ils ont des attachés case. Mais moi en plus j'adorais apprendre. J'adorais certains profs. Je détestais le système scolaire et j'adorais les profs quand il y avait une CPE qui rentrait, qui disait 2-3 merdes et qui coupait le cours, qui était là en mode ok, pas intéressant, on va reprendre. Et du coup tu dis putain, il est de notre côté, lui aussi ça le gonfle en fait, tout ce protocole là lui si il serait heureux que si on se retrouvait dans un café pour parler de la matière, tu vois. Mais les profs marrants pour moi c'était les super héros, c'était vraiment quand t'étais un prof et que t'étais marrant, je t'idolâtrais quoi, et tu pouvais faire des vannes et qui se marraient aux vannes ou qui répondaient et tout. Ouais. Je te jure, moi, ces profs-là, eux, je les remercie, parce qu'ils m'ont donné une confiance en moi, mais incroyable. Qu'un prof, moi, je me souviens d'une prof qui se marrait, qui faisait « Bon, allez, arrête !» Et juste ça, moi, je m'en souviens encore de ce moment où elle m'a demandé d'arrêter parce que ça la faisait marrer. Ça la faisait rire. Et ouais, ça m'a plus marqué que quand je faisais rire mes parents ou même mes potes. Quoi. Là, d'un coup, t'as l'impression d'être le prince de la ville. Parce qu'il porte plus le masque encore que nos parents. C'est ça. Quand il brise la... oui, c'est ça, le petit vernis, d'un coup, tu dis là, je suis un tueur quand même. C'est ça. Là, je suis et pas un tueur comme le prof que t'avais visiblement. Ouais, voilà. Voilà, qui assassinait des mômes. Qui sûrement a fait de la tôle après. Faut que je regarde un fait d'entrée l'accusé, je vais le retrouver. En primaire, moi, je me suis fait gifler par Monsieur Le Pen. Clac, oh, le politicien Monsieur Le Pen. Qui depuis a fait une carrière. Monsieur Denver. Qui t'a Monsieur dit petite Denver, pestouille. Petite pestouille. Monsieur Denver, Monsieur Le Pen et Monsieur Le Pen dont j'étais la chouchoute. À un moment donné, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est mon roi. C'est quand j'ai tabassé un arabe. Je sais pas. J'étais sa chouchoute et ça a vrillé. Après, je préférais mais Monsieur ça, Denver. C'est les pervers narcissiques, ça. C'est Vincent Cassel. Grosse claque dans ma tête et c'est ma mère qui était le voir en disant ça, c'est impossible. Ça ne peut plus arriver. J'ai dû le pousser à bout. Avec tes requins et ton Sergio Tacchini. Ouais. Ah, non. J'avais pas encore brillé à ce moment-là. J'avais pas eu Blair, Le Pen. Primaire, grosse claque dans ta tête, quoi. Mais parce que primaire, je pense qu'il y a un truc où, bah, tu vois, comme ton fils qui dit « je me fais taper, je me fais taper », je pense qu'il y a un truc où les profs se sentent peut-être plus permis, tu vois, plus, tu vois, alors que quand t'es plus, plus grand, mais moins ta parole en doute quand même. Ouais, voilà. Mais moi j'ai des souvenirs aussi un peu de profs violents quand j'étais tout petit. Mais au collège lycée non quand même. Collège lycée non mais parce qu'en fait on était plus costaud. On pouvait répondre donc ici risquait un petit peu moins quoi tu vois. Les amis, j'ai reçu des questions des gens qui ont vu le film ou pas d'ailleurs. Déjà la question c'est alors je pense que c'est plus pour les deux héros, j'ai envie de dire Jérôme et Ludovic. Est-ce que vous avez participé à l'écriture d'une certaine façon ou pas du tout? Alors l'écriture pure et dure, je dirais que non, pas du tout. Mais ensuite, on a repris les textes et on en a discuté. On a discuté de certaines scènes en particulier et peut-être que ça a été modifié, mais de manière très légère. C'était plutôt des conversations avec les deux réalisateurs qui sont aussi les auteurs de ce film. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on avait déjà tout écrit et c'était plutôt bien écrit à notre goût. Donc on a vraiment changé. On peut d'ailleurs les citer, les réalisateurs scénaristes. Julien Ouard et Rémi Four. Tout à fait. Et toi, qu'on embrasse. Toi, t'as rien touché? Bah non, pareil que Jérôme, on a bossé vraiment ensemble. On a vraiment bossé ensemble sur nos rôles. Et oui, on a pu faire beaucoup de répètes et s'approprier peut-être des phrases et tout ça, mais on a vu ça avec les réals et ça reste bien évidemment leur bébé. Quoi. Oui, c'est ça, c'est du travail d'acteur en fait. Qu'est-ce que vous avez pu apporter, Caroline et Nico, sur vos personnages? Non, pareil à la lecture, moi j'ai... Non, c'était assez fluide. Après, c'était plutôt dans les intentions de jeu, et mais pas vraiment sur le texte. Ouais, non, franchement, ça s'est joué à peut-être des demi-mots, des petites phrases qui étaient un peu moins fluides en bouche quand on les a tournées. Mais ouais, non, on a fait ce qui était écrit. Ouais. Et les gars étaient vraiment... quand ils nous parlaient, quand, tu vois, parfois on avait des doutes, on demandait des intentions, ça se voit qu'ils avaient bien potassé parce que... Enfin, ils savaient exactement chaque personnage, ce qu'ils devaient dégager dans chaque séquence. Enfin, c'est très, très clair pour eux. Donc, ça, c'est vrai. C'était assez plaisant. On n'était jamais, parce que ça a été tourné en 28 jours, si je ne dis pas de bêtises, en tout. Ouais, ou 26 jours, 27 jours. Ça, d'ailleurs, il faut peut-être le dire à des gens qui ne connaissent pas vraiment le monde du cinéma. Tout ça, c'est très court. Hein. C'est-à-dire, c'est très rapide, 28 jours. Très, très rapide. C'est vraiment rapide. Ce qui fait qu'on n'avait pas le luxe de faire énormément de prises non plus. Mais moi, je n'ai jamais ressenti la frustration non plus de me dire... Ah mince, on passe au plan suivant, pardon, à la séquence suivante. Ils nous laissaient jamais tomber s'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient ou s'ils sentaient qu'on était un peu perdu avec une intention. Ça, c'était un super binôme parce que c'est compliqué parfois quand c'est un duo. Deux, Mais en gros, ils dissociaient un peu les tâches. Et donc, c'était Julien souvent qui venait nous voir sur le plateau pour nous donner les intentions communes. Et c'était très fluide, très agréable. Ce qui fait que je sais pas pour vous, mais j'ai pas ressenti cette frustration-là. Ouais, non. Et la machine qui va à toute vitesse. Quoi. Mais justement, alors ta question en amène une autre, Nicolas, qui est posée à Caroline, mais qui est un peu pour tout le monde autour de la table. C'est vrai que toi, Caroline, on t'a vu dans pas mal de films de cinéma. Genre une petite cinquantaine. Mais je n'ai que 19 ans. Non. mais c'est ton premier Netflix, je crois. Premier en tout Netflix. Cas, voilà. Et est-ce que, du coup, ça change quelque chose, un tournage pour. Parce qu'en fait, il faut le savoir, quand vous avez fait le film, vous saviez déjà que c'était pour Netflix. Ouais. Voilà, donc c'était pensé quand même pour un film Netflix. Est-ce que tu as senti une différence, et je le dis à tout le monde parce que vous avez tous quand même fait un petit peu de cinéma, est-ce que tu as senti une vraie différence par rapport à un tournage entre grosses guillemets classique pour du cinéma grand écran? Non, pas tant. C'est après, ça. En tout cas, pas dans la façon de jouer, dans la façon de s'investir sur un plateau ou d'être dirigé et tout ça. Après, il y a des films où tu sens le budget qui est un peu plus important. Mais là, non, pas tant en fait. On était super bien dirigé, assez encadré. Non, ça fait partie même d'un des super souvenirs de tournage, mais il n'y a pas une grande différence. Ouais. avec d'autres. Non, parce que les trucs qu'on pourrait s'imaginer, effectivement, vous parliez de nombre de jours. Alors là, je rentre un peu dans un truc genre du métier, mais je trouve ça intéressant pour les gens qui connaissent peut-être pas. C'est qu'effectivement, plus d'argent, les gens imaginent tout de suite après, des vaisseaux spatiaux ça peut et tout. Être plus long parfois, ouais. Voilà, c'est ça. Les gens imaginent que quand il y a plus d'argent, ça se voit forcément à l'écran. Et en fait, plus d'argent, ça veut dire aussi plus de temps de préparation, plus de recherche dans les décors, plus de temps de tournage, moins de prises pour les comédiens. Et parce que plus de temps pour installer la lumière. Vous, c'était un petit peu sport, mine de rien. C'était faut quand un même peu le sport. Dire. Ouais. Mais ça l'est de plus en plus. T'as même des longs. Même les longs où il y a plus de budget ou pour le Cinoche et tout se réduisent considérablement aujourd'hui, quoi. Bien sûr. C'est fini les ou alors c'est très très rare, mais les 3 mois de tournage, 3 mois et demi de tournage, tu vois, ça se fait plus. C'est généralement 2 mois, c'est bâché, quoi. 1 mois et demi, 2 mois, c'est bâché. Et là, c'est vrai que ça allait vite. Ouais. Mais On a eu, pardon, on a eu un mini confort, même si je pense qu'on aurait aimé peut-être en avoir plus, c'est que ils ont essayé aussi de dégager du temps pour qu'on fasse des lectures aussi à la table, pour pouvoir dégager déjà les intentions en amont, pour pas arriver complètement à poil. Une méthode très américaine sur le plateau. Les Américains font beaucoup ça. Ils font beaucoup de lectures avant ou de théâtre. Les Albanais aussi. Les Albanais, mais il faut connaître le cinéma. C'est des sacrés bosseurs. Ils tournent beaucoup en Albanie. Au théâtre, moi, c'est une phase que j'aime beaucoup. C'est le travail sur table. C'est-à-dire qu'on ne joue rien. Juste, on n'est que dans le texte. Et on soulève les intentions, on les souligne. On note un peu les indications du metteur en scène sur le jeu. C'était déjà une bonne partie du travail. Bah ouais, ça fait tout le parcours. Donc c'est hyper agréable ça pour ça. Et pour rester sur ce côté cinéma, Netflix, naninana, est-ce que vous pensez qu'une comédie comme ça peut encore exister au cinéma, ou est-ce que ce genre de comédie, dans le sens c'est un huis clos, il n'y a pas, en gros je caricature, mais il n'y a pas Christian Clavier ou Franck Dubosc justement à l'affiche, quelqu'un qui ramène beaucoup de gens en salle, c'est parce que mine de rien, et je vous trouve tous super, mais il n'y a pas d'énormes stars à l'affiche. Non, c'est sûr. Est-ce que vous pensez que ce genre de film, d'aucuns diraient plus petit film, ont encore une raison d'être au cinéma, ou est-ce que maintenant on va plus sur du Netflix? J'ai envie de me demander à Ludovic, parce que t'es aussi réal en plus et scénariste. Non, je pense qu'il y a encore de la place au cinéma, et je peux te citer par exemple Le Manoir, film dans lequel on a joué avec Jérôme, qui était vraiment avec beaucoup de gens du web, et du coup ça pouvait être une prise de risque, parce que tu dis, oui, si t'as pas un Clavier, t'as pas un Dubosc qui va tenir l'affiche, qui va t'assurer les entrées. Donc en tout cas, voilà, en tout cas avec Le Manoir, je pense qu'il y a, c'est cool que ça existe, et de se dire, ok, ça, il y a des gens qui prennent des risques. Donc je pense que tant qu'il y a des personnes qui vont prendre des risques, on a peut-être la chance de voir des petits films encore au cinéma. Oui. C'est vrai que Netflix ont kiffé le projet, ils ont laissé une grosse liberté au réal, et aussi que ce soit dans le scénario ou dans le casting, et que de jeunes talents pas connus, on va dire, du grand public, on va dire des gens de notre génération qui ont émergé sur les internets. Je trouve ça super cool que Netflix leur laisse leur chance et pousse ce genre de contenu. Donc je trouve ça, je suis hyper heureux aujourd'hui que le film soit sur Netflix, quoi. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas la notion de ligue, tu vois, de dire les bankable, les pas bankable. Franchement, il y a la notion de ligue du LOL d'ailleurs, hein, qui est vraiment excellente. C'est parti. Non, non, absolument pas. Il répond. Non, non, pas du tout. Coupe pas ça. Coupe pas. Non, mais même juste à titre personnel, c'est vrai que quand on regarde les affiches de cinéma, parfois on se dit, bon, j'espère un jour faire partie des noms qui figurent, ou avoir un film qui soit juste là. Là, ce qui est quand même gratifiant, c'est que quand on regarde un peu la bande, quand tu scrolles un peu sur Netflix, tu vois un film avec tous tes potes dedans, dans lequel tu vois ton nom, et à côté tu vois Big Lebowski, tu vois des trucs de fou, et tu dis, putain, je fais partie de ce catalogue là il y a un truc qui est hyper hyper valorisant et gratifiant, de se dire, je fais partie de la même famille. Le prochain film de Scorsese, il est sur Netflix, et nous aussi on est sur Netflix, donc ça c'est très rare. J'ai pas vu ça ailleurs vraiment, quoi. Bah, c'est en train de c'est complètement en train de changer tout ça, puis les gens de plus en plus Mais après, je pense que de sa balade pour répondre à ce avec sa pipe, tu sais, pour les gars, pour répondre à ce que tu disais sur non, sérieusement, c'est en train de changer. Je vous le dis. Merci Jérôme. Il y a pas mal de trucs qui sont en train de changer. Ça évolue. Non, et puis il y a les nouvelles technologies. Il y a les nouvelles technologies qui arrivent. Attention. Et Amazon. La fibre. La fibre. Ah, non, tout ça est en train de changer. Dire les intervenants sur BFM TV. Mais moi, je pense pour répondre à ta question sur le fait que est-ce qu'il y a une place pour ce cinéma-là. Enfin, de têtes nouvelles. Moi, je suis persuadé que oui. Ouais. C'est-à-dire que le film, on en parlait un peu en off tout à l'heure, le film Patient, a permis de découvrir plein de nouvelles têtes. Alors Grand Corps Malade, on le connaissait, mais on le livre c'était quand même bien vendu. Il y a quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc ça a surfé sur un succès d'une adaptation, mais les têtes qu'on a découvert d'acteurs dans cet hôpital, ça raconte encore ça. Et je crois encore moi au film de Bande de potes. Ouais, bien sûr. Et je pense qu'en plus on est la génération qui va voir de plus en plus ce genre de projet. Enfin, c'est un truc tout bête, mais comme tu disais, Florence, c'est que on est en train d'atteindre des endroits dont on pensait même pas que ce serait possible quand on était gamin. Enfin voilà, Florent, tu vois, t'es dans les sphères du cinéma. Oui. Pas, je suis à l'entrée. Non mais tu vois, je vais beaucoup au Cinoche, quoi. Il y a un truc, et je le vois même côté producteur et côté directeur de casting. Ils sont de notre génération qui a embrassé Internet, qui a kiffé, qui s'est marré quand ils avaient. Qui s'est branlé sur Internet beaucoup. Mine de non rien. Mais tu vois, qui avait, je sais pas, 18-20 ans quand ils ont découvert Internet, qui maintenant prennent des postes clés dans des boîtes de prod qui sont tournées vers un peu de l'innovation, et nous on arrive pile au bon moment pour ça, quoi. Bien sûr. Et puis tous les gens vont mourir, donc à un moment on les remplacera. Ah ouais. Quoi, je vérifierai. chacun. Tu diras, la vie passe. Pardon. Jérôme. Oui. Dans le film, tu joues un personnage un peu plus calme dans certains trucs qu'on a pu te voir. C'est aussi un personnage qu'on a pu te voir dans Uplife. Dans le côté un peu plus pas Camille des tutos, quoi. Ouais, voilà. Est-ce que ça t'excite autant? Est-ce que tu as envie d'un peu faire les deux? Qu'est-ce que tu trouves dans l'un que tu trouves pas dans l'autre? Même dans Groom, en fait, t'es un perso un peu plus normal. Bah moi, bien sûr, je suis carrément chaud pour interpréter ce genre de rôles qui vont un peu plus dans l'intimité, enfin dans le quelque chose de touchant. Mais après c'est de la découverte, hein, pour moi. Enfin, ça c'est vraiment le premier rôle où vraiment je fais un truc de 3 semaines comme ça, enfin 3 semaines de tournage, où du coup c'était un peu une première fois pour moi, mais que j'ai bien apprécié. Après j'adore tellement jouer des trucs un peu plus nerveux, ouais, tu vois, un peu Joe Pesci, tu vois, que j'espère pouvoir continuer à faire les deux, tu vois. Enfin, mais après tout est en train de changer. Tout est en train de changer. Je répète. Non, mais c'était vraiment cool pour moi, et puis ça permet vraiment de voir, d'essayer de montrer que je peux faire autre chose. La palette. Voilà, ce qui est important là dans le métier, pour pas qu'on se dise tiens, un nerveux, il nous faudrait peut-être Jérôme Niel. Là, il y aura. Ouais, c'est ça, voilà. Là, j'espère que ça va, Inch'Allah, m'ouvrir d'autres portes. Mais c'était intéressant sur le tournage. Excuse-moi, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec Jérôme quand on a tourné. Les discussions qu'on pouvait avoir sur son personnage, parce que c'est vraiment des rôles, enfin le rôle que tu as pu faire est assez différent de ce que tu fais d'habitude, et tu t'en souviens, on avait des discussions même sur ta posture. Jérôme devait dans le film est un ancien un ancien gros, voilà, le mot était simple à dire pourtant. C'est un ancien gros, et du coup il se disait comment je peux faire pour me tenir, pour que ça soit plus crédible, parce que de pas forcément être droit, enfin de être un peu plus ça ce truc quand t'as du poids, tu sais, souvent tu te tiens un peu comme un peu. Je montre et en plus je parle loin du micro. Je suis vraiment le mauvais élève. Non mais tu sais, tu peux avoir un peu les mains devant ton ventre, des trucs comme ça, tu vois. Moi mon ventre me sert à poser mes bras régulièrement, donc je vois exactement ce que tu veux dire. Non mais je vois des objets dont le micro qui pas devant ma bouche. Non mais voilà, c'était intéressant De bosser là-dessus, typiquement, exactement, même dans la gestion. Amusé. Tu le fais très bien. Jérôme s'est amusé, quoi. Et ma question en amène une autre, parce que ce soit dans les tutos et toi même aussi Ludo, dans certains sketchs qu'on a pu voir qui vont assez loin, est-ce que vous pensez qu'il y a de la place aussi pour en France aujourd'hui pour de l'humour? Aux États-Unis il y en a beaucoup, les Adam Sandler sont comme ça, les Sacha Baron Cohen, des trucs qui vont très loin avec justement des personnages très haut en couleur. En France je pense à Brice Denis, qui est un peu un perso comme ça, qui n'existe pas, enfin qui est un espèce de cartoon humain. Ouais. Est-ce que vous croyez que ce genre de choses, je sais Jérôme que souvent les gens peuvent se dire les tutos, le film ou des trucs comme ça, est-ce que vous pensez que ce genre de trucs haut en couleur ont leur place encore en France? Moi je pense que oui, mais après c'est comme chaque... Enfin, c'est toujours un peu la même chose. Ça va être aussi une histoire bien évidemment de finances, de casting. Moi, je sais pas si je m'amenais là aujourd'hui en disant que je voulais faire les tutos, le film. C'est... Ça sera avec Christian Clavier, du coup. Voilà. je sais très bien que si je me mettais à l'écriture de ça, c'est un film qui coûterait cher. Parce que j'imagine pas un film. Enfin, j'imagine. Alors, peut-être après, il faudrait réfléchir, mais moi, en tout comme ça, je l'imagine pas en huis clos, tu vois. Il va falloir que ça pète dans tous les sens. Je pense que Ludo, lui, ses vidéos de Facebook qu'on a vues à l'époque, déjà, c'était. Il y avait beaucoup budget, de moyens. Déjà, donc, je pense que s'il laissait libre cours aussi à son imagination, c'est des. en plus d'être déjà, si on est perso principal, bon, on n'est pas, on pèse pas comme Christian Clavier, ça c'est le premier truc. Et en plus, moi, si j'avais une idée, oh le petit chat, ah ouais, je suis obligé de le mentionner, ça, il y a un petit chat, vous croyez que je suis fou. Et donc, ouais, ce serait, je pense qu'il y a la place, tu vois, effectivement, Brice de Nice, oui, ça, s'il veut refaire un 3, bien évidemment, tout le monde dit, bah oui. Un 4, du coup, mais oui. Un 4. Oui, mais en même temps, t'as des films tarés, je pense à Bernie. Ouais, bien sûr. Qui, à l'époque, voilà. C'est arrivé donc, près de chez vous. Je pense que c'est toujours possible. En tout cas, moi, si je faisais un film fou, je me dis, un peu taré et tout, les tutos, ce serait forcément, à mon avis, un film qui coûte assez cher. Donc, il faudrait bricoler ou sinon, mettre des guests, se démerder pour essayer de rassembler. Donc, moi, j'y crois quand même. Toi, Ludovic ? Ou rencontrer un bon producteur qui te fait voir tes exigences un peu à la baisse en termes de moyens, quoi. Oui. Et ce sera des discussions. Oui, et voilà. Parce que je pense que tu peux, à mon avis, tu peux faire un film tuto qui coûte pas... Oui, puis qui, bien sûr, qui coûte pas 20 millions d'euros, c'est sûr. C'est sûr. Mais moi, j'y crois encore. Toi, t'y crois, toi, Ludovic ? De pouvoir faire un film dans mon univers. Ouais, genre de tes vidéos Facebook qui pourraient être au cinéma, toi, tu penses que c'est possible ? Vidéos Facebook, non, parce que ça, c'est vraiment du contenu que j'ai fait il y a longtemps. Ouais. Mais je veux dire, dans le côté, oui, dans le côté, dans ton humour, en tout cas. Ouais, dans j'en ai envie et j'espère que j'arriverai à monter ce genre de projet un jour. Je passe le message à tous les producteurs. Et Dieu sait qu'ils nous écoutent peu, sinon j'aurais plus de taf. Sinon, dans les autres questions que j'avais, excusez-moi. Caroline, toi, on t'a vu aussi. C'est une question parce que les gens qui écoutent l'émission le savent. Toi, tu es venu tourner dans quelques trucs sur internet, dont des courts métrages que j'ai pu réaliser. Et âge moyen. Je suis très content. Âge moyen. Est-ce que tu penses que cette génération-là de gens d'internet, de machin, est-ce que toi, tu penses que ils peuvent faire le cinéma de demain ? Pas une seule seconde. Pas du tout. Non, bah évidemment, bien sûr. Ouais. Non, et d'ailleurs, ce film a été assez intéressant pour ça. Alors moi, après, j'avais déjà fait quelques vidéos avec toi. Enfin, j'avais fait aussi avec les gars du Palmachot, tout ça. Donc, j'avais une petite expérience là-dedans. Et je voyais tout ça naître. Et je l'ai vu naître. Et j'ai fait, qu'est-ce que c'est génial aujourd'hui d'avoir ça. Que tous ces jeunes talents puissent s'exprimer facilement, d'avoir accès à une visibilité, créer leur truc. Alors là, j'ai trouvé vraiment, je dis ça, c'est une génération de ouf pour ça. Parce que du coup, il y a de la place pour tout le monde et les gens peuvent exister s'il y a du talent et ils ne resteront de toute façon que s'ils ont du talent. Ouais. Parce que voilà, les autres vont sauter, c'est comme ça. Et quand on a fait la grande classe, du coup, ça a réuni à la fois des gens qui venaient de YouTube ou des internets, comme tu dis, des gens du théâtre, des gens du cinéma, entre guillemets, en tout cas, on était quelques-uns à en avoir fait plus aussi, Nicolas Lombreras, Johan Dionnet, tout ça, et Marc Rizzo. Et du coup, ça nous a permis de faire sauter un peu les clichés aussi qu'on pouvait avoir les uns des autres. Mmh. On en avait même parlé aussi avec Nico à l'époque. Et ça a été hyper intéressant de mélanger toutes ces sphères différentes. Et puis, pour nous aussi, d'abattre peut-être aussi un peu des clichés où on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, les youtubeurs peuvent être... Bon, c'est toujours c'est très très énervant. Ouais, ouais. Et du coup, tu te confrontes juste avec des gars qui ont du talent, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à faire. Et à partir du moment où il y a créativité, talent, peux aller sur toutes les... Enfin, tu peux aller partout, au cinéma, au théâtre, sur internet. J'ai envie de rebondir sur ce que... Ah, pardon. Non, excuse-moi, non, mais c'est... Alors, c'est moi qui vais parler. Non, mais c'est vrai que sans se concerter... C'est mon émission. Sans se concerter vraiment... Pardon. Non, je t'en prie. Sans se concerter... C'est ton émission. Arrête, Nico, pardon. Sans se concerter vraiment, je pense qu'on a tous senti qu'on avait un rôle à jouer, pour le coup, pour casser ces barrières-là. C'est que, je vais parler un peu pour mes potes d'internet. Parce que moi, c'est pareil, quand je suis arrivé sur internet, je venais du théâtre, je venais d'un circuit plus classique. J'étais plus vieux que la moyenne, à part Adrien Méniel et Lucien et tout. Mais du coup, je découvrais ce truc-là, parce que nous, on faisait des courts-métrages dans nos coins et on avait du mal à les diffuser. Et donc, c'était génial, cette effervescence-là de talent et tout. Mais je sais que quand on est arrivé sur ce film Netflix, où à la fois, ils nous ont ouvert les bras et à la fois, ils nous attendaient quand même un petit peu au tournant, parce qu'on l'a même su, parce que les langues se sont déliées même à la fin du tournage, de l'équipe même du tournage qui a été habituée à tourner des films de cinéma et qu'on dit, Ah, franchement, ah, putain, on y allait avec reculons, et, avec, ouais. Avec un peu d'a priori. Bah, si t'avais pas parlé, c'est contre tes causes. Enfin, c'est ça que tu voulais dire, Nico, je crois. Ils auraient été moins sérieux et tout, et qu'on y venait. Voilà, et au fur et à mesure, en fait, on leur a confirmé qu'ils avaient eu raison d'accepter et que même ils passaient de bons moments avec nous. Mais même entre nous, on avait une espèce de mobilisation, une concentration, un truc. On n'a pas fait tant de blagues que ça sur le plateau. Il n'y a pas eu de fou rire qu'on ralentit le tournage d'une manière. Il y a eu des fou rires, mais non pas ralenti. Il y en a eu, bien sûr, mais il y avait un truc. On était ultra concentrés, texte su, ça va de soi. Mais il y a quelque chose qui a installé aussi une ambiance où les gens se sont dit, bah, on peut pas faire la différence entre les gens d'internet, les gens du cinéma, du théâtre, etc. Là, on voit un groupe de gens qui bossent ensemble pendant 26 jours et qui envoient tout ce qu'ils peuvent dans leur personnage. Et je crois que c'est le truc qui est revenu le plus, c'est qu'il y a des gens qui ont aimé, qui n'ont pas aimé le film, mais à chaque fois, tout le monde disait, qu'est-ce que ça joue bien, des petits rôles aux gros rôles, etc. C'est hyper homogène. Donc moi, je suis fier de nous là-dessus, c'est que on a marqué des points sur ça, c'est qu'on montre que il y a des gens qui savent. Oui, c'est un film en fait, c'est pas un film d'intérêt. Et force, je rebondis juste là-dessus, force est de constater qu'on dit, est-ce que donc les youtubeurs ou ça peuvent aller au cinéma aujourd'hui, force est constater que c'est quand même la jeunesse et c'est quand même énormément, vous êtes énormément regardé tout ça aujourd'hui. Moi parfois je me sens un peu yeuvier, je me dis waouh putain cette génération. Et pourtant tu dis yeuvier. Et pourtant je parle complètement années 90. Elle dit force est de constater et yeuvier. Dans la même phrase, c'est quand même très fort. Non, et de te dire que c'est quand même aujourd'hui ça qui existe, qui fait. Et qu'aujourd'hui t'as les gens du cinéma ou les un peu les anciens du cinéma qui sont très contents aussi de se retrouver sur Netflix, sur YouTube et qui vont chez cette jeune génération là pour rester entre guillemets dans le game et encore accessible par toute une génération qui va un peu moins au cinéma. Oui, bien sûr, bien sûr. Et du coup, moi, de pouvoir, en tant qu'un tout petit peu plus ancienne, c'est horrible, j'ai l'impression d'avoir 67 ans. Non, je suis trop super contente aujourd'hui d'être sur un film Netflix et parfois qu'on m'appelle pour des vidéos YouTube ou tout ça, et je suis trop contente. Je me dis, ah, c'est cool, ça reste, tu restes un peu dans le game, quoi. Bah ouais, non, mais moi, surtout, cette question de YouTube, cinéma, il y a deux trucs que je trouve un peu. Déjà, en fait, il y a plein de gens d'Internet qui font des films depuis maintenant, en fait, longtemps. C'est juste que les gens oublient que c'est des gens d'Internet. Faut pas oublier que Franck Gastambide vient d'Internet. Bah, c'est-à-dire que les Kaira Shopping, c'était sur le web. C'était Canal Plus Web, Urban Canal, je sais plus comment ça s'appelait. Canal Street. C'était des vidéos sur YouTube. Ils en ont fait un film, et le film a Tonka, et maintenant il fait Taxi 5. Max Boublil, il faisait des chansons sur Internet. Quand il fait Les Gamins, c'est un film. Alors, il y a Shabba, c'est un film de. Et le Réal faisait les clips, donc c'est des gens d'internet qui font un film. Évidemment, Alain le film Alain Soral, quand il fait le film avec Thomas Dutronc et. Non, mais ouais, je l'ai vu ça. Mais c'est pour ça, là où il y a du talent, il y a. Voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, le truc question de YouTube, cinéma, en vrai, c'est réglé, c'est juste une génération. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, ça a toujours été le cas. Quand Jamel a commencé à faire des films, moi, je me souviens de la réaction de mes parents qui ont vu Jamel dans un Astérix. Peut-être que le côté vieille France était un peu là, mais il y avait ce truc de mais non mais lui c'est un gars de télé qui parle, qui est sur un fond blanc avec un jean, avec une veste en jean, le cinéma de Jamel, d'où il va faire un film, d'où il va faire un Astérix quoi. Mes parents ils étaient atterrés que quand Eric et Ramzy ont fait la Tour Montparnasse, ils étaient là genre mais tu vas pas aller voir la Tour Montparnasse infernale, t'as vu le titre, c'est débile. Et moi j'étais comme un ouf, et le film aujourd'hui, enfin pour moi il est culte. Donc en fait c'est un truc de génération, mais qui en fait se répète souvent. Mais tout le temps. Et à une époque, c'était les gens de One Man Show, quand Dubosc faisait son. Quand Dubosc qui part de très très loin. Ouais, c'est-à-dire que c'est Copain de Semoun, ensuite il fait Camping, tout le monde se fout de sa gueule, et aujourd'hui, toutes les comédies françaises aimeraient la voir. Il fait des séries en anglais, des. Oui, dans Highlander. Ouais, c'est vrai. This is Michel de Bourgogne. Il était récurrent dans un soap, tu vois, genre un truc soap de merdouille. Et aujourd'hui, il fait tout le monde. Et c'est pas parce que tu es là, Caroline, mais il fait tout le monde debout qui est chambé. Qui est chambé. Et donc, du coup. C'est l'avenir qui nous dit ça après, qui nous donne ces réponses-là. Mais effectivement, c'est depuis l'année que ça existe. C'est cyclique, et je pense qu'il n'y a pas de galère à ce niveau-là. Mais comme les comédiens, quand on parle d'une Miss Météo qui aujourd'hui, tu vois, c'est des gens comme Doria, tu vois, même individuel, ça se vérifie aussi. C'est pas obligé. Enfin voilà. Donc, et tant qu'il y a le talent, en vrai. Oh, tant qu'il y a le talent, les gars. C'est, on est là, ouais. C'est le public qui tranche. Ouais, bien sûr. De toute façon, tout ça, Jérôme, je pense que. Bah, c'est en train de changer. Bon, écoutez, les amis, ça fait une heure et demie qu'on parle. Je pense que ça fait quand même un certain petit temps. Je vais quand même vous demander à chacun votre actualité, ou en tout cas vos projets dans les grandes lignes, hein, si vous voulez pas trop en parler, j'entends complètement. Donc Caroline, tes projets à court et moyen terme. À court et moyen terme, j'ai une série qui sort là, qui s'appelle Pour Sarah sur TF1 à partir du 26 septembre. Une autre ambiance, j'ai envie de dire. Une autre ambiance sur l'accident, coma de jeunes et tout, donc pas du tout drôle. Et donc ça, voilà, c'est actuel. Et après, il y aura et ça sera, passera à quel jour? À partir du jeudi 26 septembre. Et ce à 20h À 20h. 50, quoi, genre. Sur TF1. Putain. J'en mets. 6 fois 52 minutes. Ah, trop bien. Génial. Donc tous les jeudis pendant donc, 3 semaines. Donc 8 ans de tournage, par contre, en revanche. Donc 8 ans de tournage, 3 mois de tournage. Ouais, et avec un très beau casting. J'ai pas vu grandir mon enfant. Horatica, François-Xavier de Maison, Redana, Frédéric Bell, Sanchez Bruno, Tom Dingler et tout ça. Non, ça va être très bien. Et après, c'est des longs qui sortent plus à partir de janvier. D'accord. Voilà. Eh bien, attention, petite phrase d'animateur, tu reviendras nous en parler. J'espère. Et on n'oublie pas, évidemment, quand on fait de la promo pour un truc sur TF1, France 2 et compagnie, c'est aussi en replay. Voilà, parce que maintenant les gens font ça. Exactement. Je vais pas oublier d'être devant votre télé. Et ça compte maintenant les replays d'ailleurs. Et ça compte chez. Non, ça comptabilise. Ah oui, ça change. Tout est en train de. Jérôme Niel. Parce que j'ai l'impression qu'à l'heure où on parle actuellement, tu es aussi sur la chaîne Canal Pelu. Ah oui, voilà, j'ai un petit programme de danse. Ouais. Voilà, d'expression corporelle, qui s'appelle Rémi Corré, qui passe toutes les semaines, une fois par semaine, dans Clic, la nouvelle émission de D'ailleurs, Lou petite Dachour. Question, quelle est ta définition d'une clique? Ma définition d'une clique, effectivement, quelle est de ma définition d'une clique? Bah, c'est avec les poteaux, quand on est là et tout. Je comprends. On boit des coups ensemble et on ferait tout l'un pour l'autre. Ok, bien, oh là là. Bien répondu. Ça, c'est cool que tu sois dans la clique. Ouais. Et potentiellement aussi une série, mais je crois qu'on n'a pas le droit d'en parler. Et potentiellement une série qui devrait se tourner. Voilà, c'est ça. Voilà. Parfait. Nico ? Oui. Et bonjour. Tes projets. Parce que j'entends qu'il y a un court-métrage qui a été tourné, monté, mixé. Qui a été tourné, monté, mixé, qui a encore quelques phases de post-prod. Je peux déjà dire qu'il sera projeté au Frames Festival le 21. Ah non, ouais, le trop 22, bien. Le 22 septembre. Chambé, Avignon. À Avignon, donc, dans le cadre du festival, ils m'ont fait la surprise de me dire, viens, nous, ça nous ferait plaisir que tu le projettes. Très belle salle du Pandora, en plus, tu vas kiffer. Très beau cinéma. C'est pas au Pandora, c'est au Cinebox, je crois. Ce qui est très cool aussi. Je crois que c'est très cool aussi. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'espère qu'il y aura une projo parisienne peut-être avant, mais en tout cas, que les Parisiens ne m'en veulent pas, je ne sais plus parler. Bon, mais en gros, voilà. quoi d'autre? Il y a une série qui s'appelle Tac, qui va sortir aussi là prochainement en septembre, qui est à mais la Mais Wittig. Mais superbe. Ouais. Qui est une série. Elle est en roue libre. Qui est une série qui parle de maladies obsessionnelles inventées. D'accord. Et voilà, je serai dans l'épisode de la sincérilose, un mec qui peut pas s'empêcher d'être sincère avec les gens. Et puis. Eh ben ça, c'est pas notre président Macron. Excusez-moi. Pardon, je suis. Il est en roue libre. Ah, je suis intenable. Pardon. Et puis je serai en guest aussi dans la série Pitch. Sur Canal Plus. Et oui, bien sûr. De Baptiste Le Caplain, où j'ai fait un guest et ça. Je crois que j'ai vu l'épisode du coup parce que j'écris sur Pitch et j'ai vu l'épisode, c'est très drôle. Bon, c'est cool. C'est très drôle. On a gardé ta petite impro de fin. Ah cool. Voilà. Et ça commence à partir du 7 septembre. C'est vrai que si j'avais été un petit peu malin, j'aurais retenu la date. Mais je vais passer à Ludovic chercher la date et j'y reviendrai. Donc voilà. Et oui, et peut-être des dates de stand-up, mais j'en dirai plus tard. Les gens te suivent sur les réseaux sociaux, ils auront les infos. Exactement. Ludovic. Moi, ça va être pardon, essentiellement du YouTube. Ouais. Voilà, je me mets sur du YouTube là dans les mois qui arrivent. Je vais nourrir les réseaux sociaux avec du contenu inédit. Ouais. Voilà, comme on dit. Voilà. Trop bien, trop bien. Et puis il y avait Norman qui avait parlé d'un projet de série. Vous l'avez tourné. Oui, on l'a tourné ça et ce sera bientôt en ligne. C'est une petite série qu'on a fait avec. Avec Norman, une série fantastique. Si on devait lui donner un adjectif, je crois qu'elle est plutôt culte. Elle est. En fait, la série n'est pas encore sortie et elle est déjà culte. et attends, j'ai pas te mentir. Argument. Là, je suis en train de monter la bande-annonce parce que je réalise la série aussi. Et à la fin, je marque le nom de la série et je marque en dessous la série déjà culte. Et Norman m'a fait changer aujourd'hui. Il m'a dit, mec, c'est marrant, c'est prétentieux. Et il m'a dit, non, mec, arrête. Ici, c'est culte, en tout cas. Sache-le. C'est déjà culte. Et donc, pour ma part, effectivement, Pitch qui revient le 7 septembre. Ouais, 7 septembre. Voilà, donc d'accord, en fait, quand le podcast sortira, ce sera déjà revenu. Donc, c'est tous les samedis, mais évidemment. Je sais à qui je m'adresse, c'est aussi sur YouTube, vous n'avez pas à être... C'est un peu difficile à choper en plus, c'est vraiment entre deux trucs, Pitch. Donc c'est sur YouTube à chaque fois, le lendemain sur YouTube, donc vous pourrez mater tout ça. Il y a une vingtaine de nouveaux épisodes, on s'est beaucoup amusé à les écrire, on est très libre avec Baptiste Le Caplain, qui je le rappelle est copie comique. Et on s'est beaucoup amusé à faire ça. Et donc du coup, je suis trop content. Et évidemment, le 21 octobre, nous faisons le Floodcast en live. Et alors là, je crois que je peux le dire. Alors pas la salle, mais la billetterie, je crois que c'est en fin de semaine. Donc si vous écoutez jusque là, peut-être vous avez déjà un petit peu, je vous donne l'info. Peut-être que ça va être repoussé, mais en tout cas, normalement, la billetterie arrive en fin de semaine. Tain, heureusement que t'as dit pas la salle, j'allais vraiment crier. Ouais, non. Et non, tu as sorti ça, j'ai fait. Non. Ne dis pas que c'est à l'Accor Hotel Arena. Ça risque de changer. On est trop contents, et voilà, donc 21 octobre. Et Adrien, qui devrait revenir incessamment sous peu, quand il aura décidé d'arrêter d'être en vacances. Ça va, ça va 2 minutes. Il est censé rentrer pour un projet dont on n'a pas le droit de parler, bien sûr, mais voilà. Ouais. C'est bien ceux qui étaient là-dessus. En tout cas, merci à tous d'être venus. La grande classe disponible sur Netflix. Oui. Voilà, donc si vous avez Netflix, vous pouvez y aller tout de suite. Si vous n'avez pas Netflix, premier mois gratuit. Ça, je le dis toujours. Hein. Je sais pas si on a le droit de le dire, mais bon, on l'a tellement dit sur Groom, on va le dire sur Netflix. Bah oui. Et donc voilà, et on vous fait des bisous. Merci d'être venus, les amis. Merci. Ciao. Et ciao. Ouais, donc mon prof. Ouais, tu comprends pas ce qui t'arrive. Je veux pas qu'on joue ensemble, associé comme mon fils. Je n'attends aucune reconnaissance des showbiz. Le rap est trop pisse, le mien son pitié. J'ai mon plan, vois-moi comme l'architecte qui a construit ton quartier. Kamikaze comme les japs sans perdre la bord. Mon stylo s'affole comme les aiguilles de mon tableau de bord. J'ai poussé mon premier cri en pleine lune sous l'équateur. Ma vengeance est fraîchement sortie du congélateur. J'ai qu'un visage plutôt révélateur. J'ai beau être des rappeurs, je peux pas aimer tout le monde, j'ai qu'un cœur. Ils ont peur, je vais les traumatiser. Un loup dans une bergerie quand je roule sur les Champs-Élysées. Trop fier, trop frais, trop fier, trop frais. On n'est plus les chiens de la casse. Ni ton poule, ni ton osé. Ni ton poule, ni ton osé. Ce matin, la grande classe. Je suis en mode avec les refrains. Quand on arrive, on prend toute la place. On soit libre. Pilote de ligne, de conduite. Ce qui est rare et cher, donc leur musique devrait être gratuite. Hermétique au Star System, j'ai les piles du rap game. C'est le concentré des caractères des banlieues parisiennes. Scotché au pavé, on est fait pour taper. Tout rafler, te baver et braver. Des obstacles, te tâtes au cou. Bien sûr le spectacle, ceux qui veulent clash sont fous. Toi tu mets tu craques, je crache ma couleur dans ta radio comme dans une partout. Pose mes boules sur la table, les trimbales partout. Je dis non à tout, non à j'ai le berger de mes thunes. J'ai beau brosser la langue, mon haleine sur le tube. Ces paroles sont fières de sortir de ma bouche. Comme une groupie de ma bouche, ou un merco d'un con de ma bouche. Les tubs changent de bouche, on l'ouvert. Sur tout le monde tire la couverture. Aucune somme, aucun boule ne me perd. Trop fier, trop frais, trop fier, trop frais. On n'est plus les chiens de la casse. Ni ton poule, ni ton osé. Ni ton poule, ni ton osé. Ce matin, la grande classe. J'suis en mode avec les refrains. Quand on arrive, on prend toute la place. Place. On soit libre pour vrai. Numéro 1, on me réveille avec la grande classe. La grande classe. J'ai pas changé, fuck ceux qui m'aiment pas. Baisse pas mon froc, mais le remonte jusqu'au bec comme Papa Wemba. Comprennent pas pourquoi je suis sûr de moi. Ils disent des choses sur moi, les gens comptent sur moi et moi, je prends sur moi. J'ai fait d'un squat là où personne ne m'attend. Et s'ils ne rendent que les thugs loin des cœurs qui veulent nous entendre. Mon univers n'est qu'un repère de vrai. Plus spontané qu'un tueur né dangereusement frais. Le plus titré, le plus jaloux, c'est toujours posé. En train de poser, pas le temps de causer, ni de reposer. Mais disposé à t'exploser, son névrosé. Plus diffusé, valété, légère, refusé. Moins exposé, la gloire me court après. Elle veut m'épouser, c'est pas né des moutons. Et des mythos, mais du comme Oriano. Flow, technicien comme Cristiano. On sent une catastrophe naturelle. Frappe en conditionnel, la liberté. Je vais nous mettre jusqu'au bout du tunnel.